bienvenue dans le temple de la méditation. Charles, arrête de rigoler, va me chercher de l'encens chez Monop. Je vous laisse méditer avec Koé, il arrive à 17 sur Energy, c'était WF, bonne soirée. Maître Gim, c'est Clean Bandit, juste après Sia, playlist. Energy.

C'est parti. 17h-20h sur Énergie. Bonjour à tous, bienvenue. 17h, merci d'être avec nous, merci de passer un bon moment. J'espère que vous prenez tous l'habitude d'être là avec nous tous les jours dans la voiture ou chez vous quand vous rentrez du boulot. 17h à 20h, 18h c'est l'émission en public. Là c'est le before, on va parler de pas mal de trucs. Je vous dirai le contenu de l'émission, le menu best of du jour. Je vous dirai un petit peu ce qui va se passer. Il y a pas mal de trucs aujourd'hui et je sens... Ah encore. On y sent bien. Je sens la playlist suprême énergie. Je sens Jane, Diva Phone, Alvaro Soler, Eddie Depreto, David Guetta enchaîné. Soyez prêts, 39-37. Vous savez pourquoi? Et vous gagnez 50 000 euros dès que ça va passer. Ça va passer. Ouais. Je vous le dis. Vous savez quoi? Notez ce que je suis en train de dire. Là. Moi je note. Là. Ça va passer. Ça va passer. Avant la fin de la. J'ai pas dit là maintenant. Ça va passer là. Je le sens. Entre maintenant et Noël. Vous savez à quoi je le sens? Non. Je le sens parce que Jean-Paul Bolcrou de PDG d'énergie a mis en vente sa 607. Ah c'est un signe. Ouais ouais. Okay. Il avait coûté 7 000 euros à l'Argus. Donc s'il commence à la mettre en vente, c'est que ça va tomber. Ça va tomber, je le sens. En tout cas aujourd'hui nous aurons notre invité, ce sera Eddie Depreto. C'est la fête de trop. Qui sera notre invité tout à l'heure. Moi je l'ai fête des fêtes. N'oubliez pas, semaine prochaine Kev Adams sera avec nous. On aura Jennifer qui viendra nous faire un bisou. Demain on aura. Il y aura Vita aussi. Il y aura Vita. Elle, ah, elle vient avec Slimane ou pas? Oui tout à fait. Ah c'est très bien. Et demain. Trois cafés gourmands, nous on adore dans cette émission, vous le savez. L'artiste hier, quelle belle émission avec l'artiste. Ah c'était bien. Ouais, on va même mettre la photo sur mon Insta, hein Bordas. Ouais. Donc t'as entendu le ouais. Donc hier on a fini à la fin de l'émission, on vous prépare la vidéo pour dimanche. Mais la fin de l'émission elle est magique, il fallait jouer à un concours, il fallait répondre. Celui qui gagnait repartait en Bentley, celui qui perdait repartait en voiture sans permis. Elle t'allait très bien Jeff. Il a fallu 8 personnes et une grue pour le sortir. On a fait venir les pompiers qui sont venus, tu sais, avec les trucs d'accident là pour écarter les portières. Ils ont dit on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, c'est l'équivalent d'un chien qui essaie de rentrer dans un pot de yaourt. On n'a jamais vu ça. Et je te jure que j'ai pas pu dépasser les 28 km/h. Je te jure c'est vrai. Mais le poids joue. Je pense. C'est maximum de personnes Jeff. C'est merci. Connu. C'est bon. La première fois qu'on fait de la roue arrière en voiture. Qui était comme ça? Ah mais c'est ça, je voyais pas la route. Après tu étais debout. Je voyais que le ciel. Est-ce que t'as l'image en tête? Bon, en attendant, on va quand même démarrer cette émission puisque vous avez vu donc Yann Moix a tenu à s'excuser sur les propos qu'il avait tenus sur la police. Ah ouais. Ben, je le croyais plus malin que ça. Non. Il lui a fallu quand même du temps pour dire des bêtises. Hein, c'est surtout bon, le mec s'est fait contrôler pour un papier contrôle d'identité. Bon bah il s'est fait retirer 12 points d'un coup. Là il s'est dit je suis peut-être un petit peu violemment, mais Miko aussi rapidement en 30 secondes aujourd'hui a aidé la police. Comment ça s'est passé? J'étais sur les champs en train de manger mon McDonald's légendaire et puis là j'ai une personne devant moi par téléphone qui était là genre ouais c'est bon je l'ai, elle est là main sur le sac et tout. J'ai dit mais monsieur qu'est-ce que vous faites? C'est la police. C'est la police derrière ou dehors? Non, c'est moi la police. Vous me servez de couverture, monsieur, ne bougez pas. Oh, il a servi de couverture à la police. Tu as aidé. T'as plein, t'as aidé la France. T'as aidé la France. T'as aidé la France dans l'émission. Je lui ai dit, je peux partir. Je vais me cacher derrière une autre personne. En attendant, tu aurais été salaud qui dit c'est la police, il est derrière moi. Courez, Fonce. Bon, en attendant, aujourd'hui, nous parlerons de pas mal de choses dans l'émission. Nous aurons le sujet des auditeurs sur ma pire vengeance. Je vous expliquerai pourquoi. Racontez-nous la pire vengeance que vous avez faite un jour sur quelqu'un. Nous aurons le cash-cash, évidemment, jusqu'à 10 000 euros, 7, 10, 12 par SMS. Mettez que au début du message, c'est tout ce que je vous souhaite. Aujourd'hui, deux enveloppes à 1 000 euros. Oh. Une enveloppe à 10 000, une à 5, une à 200, une à 100. Dépêchez-vous, ça fait beaucoup de sous à gagner. Nous aurons les champions du monde de l'actu dans un instant. Nous aurons la télévision, le zap télé de Miko. Aujourd'hui, avec un truc qui me fera toujours rire, le fameux micro qui reste ouvert à la télé. Ah. Alors que la journaliste pense qu'il est éteint. Ça, c'est fantastique. Nous aurons tout à l'heure le Cocopédia Eddie Depreto. Si vous ne connaissez pas qui est Eddie Depreto, oui. Le résumé de sa vie en 45 secondes. Nous aurons un festival sur l'amour et dans le pré tout à l'heure, évidemment. Nous aurons la liste officielle dans la première heure d'émission sur les animaux qui sont plus obsédés sexuels que les humains. Et croyez-moi, je viens de voir le listing des animaux et je viens de voir ce qu'ils font. Je suis tout à fait normal à côté. Petit joueur même. Je pensais que j'avais 2-3 soucis des fois, à force d'entendre non pas ça. Et ben je vois qu'il y a pire que moi. Donc nous aurons la compile également des stars US qui tentent de chanter en français et vous verrez que c'est de la merde. Et enfin, nous parlerons des opérations sous hypnose puisque maintenant on fait de plus en plus d'opérations sous hypnose. Oui, c'est vrai. Et nous aurons Mesmer qui est donc un arnaque type de teaser. De la télévision. J'ai un mot qui est parti. Oui, il est parti tout seul. Bon, évidemment. Et nous aurons à 18h le qu'est-ce que c'est. Nous aurons plein de surprises, la promo dans les magasins, etc. etc. On va réussir à faire tout ça ? Oui. Ça, c'est le premier. Ça fait beaucoup quand même. Ah oui, évidemment. Bien sûr. Évidemment que je vais faire tout ça. Et en même temps, il faut que j'aille vendre la voiture de Jean-Paul. Si vous voulez, gars, que la playlist suprême, on fasse gagner les 50 000 euros, il faut qu'elle parte, la 607. Et croyez-moi, c'est pas un jeune modèle. Je parle pas du patron, je parle de la voiture. Attention ! Vous êtes prêts? Oui. Voici la présentation de l'équipe. Allez, on y va. L'équipe, c'est une famille. Un peu chelou, certes. Lui, c'est l'ado en pleine croissance. Il est grand, des bras trop longs, une coiffure approximative, une hygiène qu'il est tout autant. Il passe son temps à triturer ses boutons, pas ceux de son corps. Il n'en a pas, mais ceux de sa console, c'est Bichette. Bonsoir. Salut, moi, Bichette. Il est toujours aussi le grand frère qui refuse de grandir malgré ses 42 ans. Il passe son temps sur sa PS4 à télécharger des films. Il est le désespoir de sa mère qui se languit de le voir enfin avec une fille qui fera de lui un homme responsable. Il peut encore attendre. C'est Miko. Bonsoir. Je sers de couverture à la police. Nous avons aussi la tata qui fait peur à tout le monde. C'est la branche SM de cette famille, capable de te fouetter si le rôti du dimanche n'est pas assez cuit. C'est Stouff. Bravo. C'est Blizzard, Stouff, comme prénom. Votre mère aurait dû vous appeler Corinne, ça vous aurait très bien, Corinne. Le gros tonton qui est le premier à s'asseoir à table et le dernier à la quitter, celui qui fout la honte quand il se met à danser dans les mariages, pensant savoir bouger comme les jeunes alors qu'il est adepte des queues leuleux, c'est Jeff. Bravo. Et enfin, toute bonne famille à Satar, le cousin éloigné dont la passion est de parler trop et tout le temps, celui qu'on invite tous les 10 ans et dont on espère qu'il ne restera pas dormir, c'est le cousin Bordas. Bienvenue sur Énergie, merci de nous suivre tous les jours. J'espère que vous passez un bon moment. Je vous le dis, la playlist suprême, je le sens, ça va tomber. Vita et Slimane dans un instant. Et voici Jonas Blue. On aura les champions du monde de l'actu. Restez avec vous, avec nous. Parce que nous, on reste avec vous, mais vous, vous restez avec nous. Aujourd'hui, ils sont magiques. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna rise till we fall. When we hit the bottom, nothing gon' stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, but we won't change anything at all. We gonna rise till we fall. They think we just drop out, living at our mom's house. Parents must be so proud, they know it all. No, they don't speak our language. Must be so proud. They know it all. No, they don't. sur Énergie. Merci d'être avec nous, c'est le Before 7 10 12 par SMS. Vous voulez gagner jusqu'à 10 000 euros ou voire moins, mais c'est beau aujourd'hui hein, quand même. Il y a deux enveloppes à 1000 euros, ça veut dire 7 10 12 par SMS. Mettez courrier au début de votre message, voulez nous dire bonjour, 0800 70 42 48. Vous êtes en voiture, ça roule mal. Eh ben on peut rien faire. Mais en attendant, ça passe un petit peu mieux grâce à nous. Champion du monde de l'actu ? Oui. Allez ! Marche pas, évidemment, je me suis trompé de bouton. Oh, regarde là-bas. Voilà, hop, je change mon erreur. C'est marrant, j'ai dit ça et Miko, il a regardé là-bas, il a fait des yeux. C'est vrai, moi, c'était pour détourner l'attention. Oh, cachez-moi, c'est la police. Le premier champion du monde est un automobiliste breton qui vient de se faire retirer son permis. Pourquoi ? Alcool. Oh non, les amis. Oh non, c'est un combo. Trop facile. C'est un combo, j'ai envie de dire, c'est un strike. Alcool, drogue. Lui mérite 22 trompettes. Alors lui, 1,8 g d'alcool, positif au stupéfiant. Et pour finir, il roulait avec l'avant de la voiture défoncé et le capot qui n'était pas accroché, qui était collé contre le pare-brise. Non, mais j'arrive à voir hein. Le mec, il a dû sortir dire, ils sont gros les moustiques ici, il m'a pris tout le pare-brise. Attention, le deuxième champion du monde, lui, est à Milan, où c'est en ce moment la Fashion Week. Vous savez, avec toutes ces filles qui mangent une feuille de salade et qui se font vomir après. La marque italienne JCDS a proposé l'accessoire de printemps 2019 le plus étonnant de tous, le troisième sein. Vous ne rêvez pas. Les filles, l'année prochaine, la mode, ce sera de se faire promettre un troisième sein en silicone pour avoir trois seins, comme dans le film. Total Recall. Comme dans Total Recall. Et le créateur, il a dit, bébé, deux seins, c'est tellement, c'est saut 2017. Il en faut deux. Le super champion du monde, vous en avez certainement entendu parler ce matin chez Manu. Et dans toutes les radios d'actu de France, c'est ce conducteur à Paris qui a confondu une entrée de métro avec une entrée de parking. Ah oui. Hier vers 20h à côté des galeries Lafayette. Bah oui, c'est vrai, on peut se faire avoir, hein. Au-dessus il y a marqué métro. Et donc, bah oui, ça peut hein, entre parking et métro, bon, des fois, je sais pas. Une Toyota s'est encastrée, c'est-à-dire que le mec, il s'emmerde à monter sur le trottoir, il voit bien quand même que c'est galère. Ouais, hein. Oui, il voit bien, hein. il dit, dis donc, ils ont pas mis de pente. Il monte dessus, il dit, dis donc, c'est une descente, elle est raide. Dis donc, il y a des escaliers. Et il est descendu jusqu'à ce que la voiture soit bloquée. Oh, il est descendu de la voiture et la voiture est restée complètement bloquée. Oh, c'est non. Énorme. Non, mais après, bon, le pire, c'est ça, à la limite, ça passe, mais il n'a pas pris de ticket. Voilà. Non mais tu vois, je sais pas, le gars il a dû dire qu'est-ce qui se passe. Il a dit, est-ce qu'il a arnaqué jusqu'au bout? Est-ce qu'il est sauté au-dessus du portier? Mais comment tu peux? On a l'âge du gars ou pas? On a son non, âge surtout non, son taux d'alcoolémie. C'est une personne âgée, il était bourré, on en sait plus ou pas? Non, non, c'est pas plus. Ah. Pour la petite histoire, ça a failli m'arriver pour de vrai. Ah, c'est vrai. Non, ça se ressemble, je te jure. Quand t'as des axes sur les côtés, ça se ressemble. Et ça a failli m'arriver pour de vrai. Moi je souhaite qu'une chose. Je suis sûr que c'est piètre. Je souhaite qu'une chose. Quoi? Que ça soit pas Yann Moix. Ah bah alors là, elle va rester longtemps la voiture. Alors là les gars disent bah alors monsieur Moix, on pourrait bien intervenir mais on a trop peur. On va vous laisser tirer la voiture vous-même hein. Par contre ça va vous coûter cher, c'est moi qui vous le dis. Voici Vita et Slimane qui seront nos invités la semaine prochaine. Bienvenue, c'est le Before sur Énergie. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là.

Oui, une heure. Oui, heure c'est ça. Nous aurons la liste officielle des animaux plus obsédés que moi. Et que les humains en général, la compile des stars américaines qui tentent de chanter en français, puisqu'on est sur L'amour est dans le pré. Juste un petit truc, c'est pas dans le zap de Miko. Il y a Thomas, un candidat gay de L'amour est dans le pré. Je sais pas si vous avez suivi ça. Ouais. Il a galéré pour trouver des prétendantes. Toi qui suis tout, Bordas. Et parce qu'en plus, il est plutôt beau mec. Et il dit qu'à chaque fois, c'est les filles qui le draguent et jamais les mecs. Tu vois, et là, il a dit, je cite, c'est pas une vanne, il a avoué, ouvrez les guillemets, je n'attire que les femmes, du coup, ça tape à côté tout le temps. Alors, en fait, c'est pas que ça tape à côté, c'est que ça tape pas du tout, visiblement. Mais oui, c'est sûr. Si encore ça tape à côté. Bon, voilà, vous avez compris quoi. On a compris. Le sujet du jour, 0870-42-48. Parlez-nous de votre pire vengeance. Et vous savez ce qui nous a donné l'idée de la pire vengeance? C'est le thème. Vous nous allez nous raconter la pire vengeance que vous ayez fait à quelqu'un. Ou une vengeance sympa, ou une vengeance parce qu'il vous a fait une saloperie. C'est Patrice Evra, le footballeur, qui a fait un truc sur Twitter. Il a dit Gérard Piqué, c'est Gérard Piqué le mari de Shakira. Oui, c'est ça. Avait brûlé mes crampons à l'entraînement, mais ça n'était pas drôle. Du coup, ce que j'ai fait pour me venger, j'ai pris des chaussures, je suis allé, j'ai pris ses chaussures, je suis allé aux toilettes et j'ai chié dedans. Et deux poids de venir. Et après, t'avais Shakira dans le lit, elle disait ça sent bizarre, ça sent les pieds. T'as marché dans quelque chose? T'as marché dans un truc. Donc, c'est le thème de ce soir, la pire vengeance. On a Flo qui habite Chartres. Ça va, Flo? Salut Koé, salut tout le monde. Salut mon ami, salut. Tout le monde a l'image du mec qui remet ses chaussures. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Non, je vais une chanson de Shakira. Kakakakaka. Sors. Voilà, Flo, voilà. Vas-y, ta pire vengeance, c'était quoi? Bah, moi en fait, j'avais un pote qui se plaignait toujours de moi en fait, quand quoi je faisais pas de soirée. En fait, j'étais le seul à pas organiser des soirées. C'était vrai? Ouais, des soirées. Oui, j'ai compris. Non, mais je disais, c'était vrai que t'organisais pas de soirée? Des soirées? Bah, ouais. Ouais, enfin j'en ai organisé quoi, allez, une fois dans l'année quoi. Ah oui, c'est pas beaucoup. Et pour me venger, bah du coup j'ai fait quoi? J'ai prévenu tous mes potes, parce que j'ai su ça par l'intermédiaire d'un pote en commun qu'on avait. Mmh. Et j'ai organisé une soirée, mais chez celui qui se plaignait quoi. T'as raison. Bah oui, il lui a reproché de jamais organiser. Il a organisé, voilà. Mais pas chez lui. Voilà. Et on est arrivé à 30 dans son appart, avec la musique. Et puis bah les boissons bien entendu et il a fait la gueule quoi. Et je sais ce qu'il a dit. Il t'a regardé, il a dit c'est la fête de trop. Celle-là elle l'amusait pas. Je te fais un bisou mon Flo, je t'embrasse. Bisous, salut. À bientôt mon pote, bienvenue sur Énergie. C'est Koé, c'est le Bifort sur Énergie. sur Énergie. Merci d'être avec nous, c'est le Bifor. Ça va être le moment de vous offrir peut-être 10 000 euros. Vous avez envie de gagner jusqu'à 10 000 euros? Je mets l'enveloppe dans ma poche. Je crois qu'en fait, je suis définitivement le dernier à la mettre dans ma poche. Oui, t'as joué ça. Absolument. Vous préparez dans tes poches. Ouais, c'est vrai. Mais vous, vous vous préparez? Au début de l'émission, on est prêt. Bon, ça rentre pas. Ça y est, elle est là. Il y a 6 enveloppes. 2 enveloppes de 1 000 euros. Une enveloppe de 5 euros. Oh, la misère. Une de 10 000 euros. C'est déjà mieux. Ça, c'est tout ce que je vous souhaite. De distribuer du bonheur, on l'a déjà fait. Et ça fait du bien. Une de 200, une de 100. On en a mis 2 de 1 000. 7, 10, 12 par SMS. Vous choisissez la bonne personne de l'équipe. Je le dis pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui ne connaissaient pas l'émission. Choisissez la bonne personne. Cette personne a une enveloppe. Elle découvre le montant et le montant est pour vous. Nous allons chez Yann, qui s'est inscrit au 7, 10, 12. J'ai reçu plein de messages de gens qui me disent est-ce que quand on s'inscrit que là-dessus, il y a d'autres moyens? Non, SMS 7, 10, 12. Yann! Allô? Comment ça va? Ça va, salut Koé, salut toute l'équipe. Je vous présente salut. Yann, salut. Je te présente Stouff, je te présente Jeff, salut. Bichette, salut. Bordas, qui bonjour. Fait les réseaux sociaux avec son hashtag. Il marche bien ton hashtag? Super. C'est bien mon grand, on en parlera dans un instant. Avec Miko et moi-même, Yann, tu fais quoi dans la vie? Salut Yann. Je suis chauffeur poids. D'accord, tu bosses en ce moment? Là, ça y est, je suis parti du dépôt, là, à peine. D'accord, très bien. T'habites où? À Gréasque, dans les Bouches-du-Rhône. À Gréasque, dans les Bouches. Et quel temps il fait? Attends, laisse-moi dire, 32, 30, 30. Bah, il fait. Non, là, il fait pas très chaud, il fait 24 degrés. On aimerait bien, nous. Ouais, ça va, il fait beau, il fait beau. Bon. Bon. Vous savez quoi? On devient chiant. Attention, choisis-moi la bonne personne, mon ami. Autour de cette table, je te répète les prénoms. Stouff, tu peux l'appeler Stouffy Raptor. Ah, mais pas Stouffy, sinon elle mange ton camion. Il y a Jeff, il y a Bichette, le réalisateur, il y a Miko. Putain, 38 tonnes, elle te le défonce. Elle te laisse les jantes. C'est pas le 38 tonnes que je vais défoncer. Il y a Bordas et il y a moi-même. Trouve la bonne personne et je te souhaite de gagner. Il y a des enveloppes à 1 000 euros, il y a celle de 10 000. On croise les doigts. Je vais tout miser sur toi, Koé. Alors ça, je ne sais pas si c'est bien. J'espère. Croise les doigts. D'où vient cette enveloppe? De mes fesses. Je la mets sur la poche arrière, c'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Non, mais c'est une image, parce que les gens pensent que c'est pas une imprimerie là-dedans. Je viens sur des billets. Avec ça, un distributeur à enveloppe. Jour. Bon. À se le dire, c'est pas ouf. C'est pas les 10 000, c'est pas les 1 000. Ça fera toujours du bien. T'as une chérie? Oui. Tu l'inviteras au restaurant. C'est 100 euros, mon ami. Oh, bien. 100 euros gagnés. Gagné en quelques secondes, c'est bien. Oui, super joueur. Bien sûr. Et tu me mets pas ça pour. Tu me mets pas ça pour le plein dans le camion. Tu le gardes pour toi, pour t'amuser, d'accord? Il y a pas de souci. Je te fais un gros bisou, Yann, et continue de nous écouter. Bisous à tout le monde. Bisous, mon ami. Je t'embrasse fort. C'est Koé. C'est le Bifort sur Énergie. Vous aussi, envoyez un SMS 7 10 12. On revient demain. Et la playlist suprême. Je vous dis que je le sentais. Oui. Je le sens. C'est vrai. T'as tout bien, tout en bien, t'as tout bien. Vamos ver si tout a bien. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Y'en a qui sortent en équipe avenue Montaigne, France en premier. J'suis avec ma go en fourraillé. Au cas où faudrait simplifier. Quand tu pilotes un prototype, faut assumer. Elle est tellement douce, obligée de faire dans la durée. Avec elle, c'est le marathon. Avec elle, pas de baratin. Bang, bang, bang. Si tu traînes dans un baratin. Assim você me mata. É vrai que je parle en portugais. Mon amour commence à se mesurer. Elle me rend fou, je suis torturé. Je pense que la suite sera censurée. Eu tô bem. Ouais, ce soir on est 50. Eu tô bem. C'est elle qui nettoie mes armes. C'est à deux qu'on fait le ménage. Samba, samba, samba. La concurrence est à fond. volé, je suis à la radio, je suis à la télé, dans le carré VIP pour RDV, en train de tout casser, on est 50 motherfuck. Ouais, ce soir on est 50 et on est 50 motherfuck. Ouais, ce soir on est 50. Et toi, Café Gourmand seront là, je préviens d'ores et déjà la programmation d'énergie, il y a des chances que je les fasse chanter deux fois. Merci, oh bah attendez, les mecs qui viennent de Corrèze, ils ont fait 23 heures de train, faut qu'ils chantent deux fois quand même avant de repartir. Bordas, on a quelques hashtags et c'est les sons télé de Mico juste après. Il y a Kevin qui nous dit, j'ai le hashtag c'est quoi déjà, c'est quoi? J'ai toujours pensé. Merci, rappelez-le. Et il y a Kevin qui nous dit, j'ai toujours pensé que le studio de C'est pas sorcier était un vrai camion qui se déplaçait pendant le tournage. Bah, oui. J'y ai presque cru moi-même pendant quelques temps et après j'ai dit, mais t'es idiot. Et non. Il y a Isabelle qui nous dit, j'ai toujours pensé que l'huile de coude existait vraiment. Et un dernier. Et il y a Mayama qui nous dit, j'ai toujours pensé que mon grand frère était toujours enrhumé tellement il y avait de mouchoirs en papier dans sa corbeille. Ah ça là. Ah ça, le nez qui coule, c'est un problème chez les ados. Hein. Ça, c'est beaucoup d'adolescents ont un problème de. Avec le nez qui coule. Voilà, alors donc, télévision Mico, il y avait quoi? Hier, dans C'est que de la télé sur C8, l'animatrice Caroline Iturbide raconte qu'elle se faisait très souvent lécher par son chien. Normal. Moi, je me suis énormément fait lécher par mon chien. Parce qu'en fait, je me mettais en face de sa gueule et je lui racontais tous mes secrets. Est-ce que je vais être invitée, j'en sais rien, à la boum de Cyril? Et s'il me léchait, ça voulait dire oui. S'il ne me léchait pas, ça voulait dire non. D'accord. Et j'ai passé mon enfance à me faire lécher par le chien tout s'est très bien passé. Caroline, je te il connais. Il faut préciser. Caroline, il va falloir que je t'appelle un jour pour parler des doubles sens dans ce qu'on dit. Psychopathe. Voilà. C'est particulier quand même à la télévision à ce temps-là. Oui. Ensuite, l'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré, bah le. J'ai toujours voulu me faire lécher par un taureau. Voilà. J'étais en face du taureau, je lui posais la question, s'il me léchait le visage, c'était oui. Bah on n'en est pas loin, confidence un petit peu cul entre les agriculteurs. Tout le temps. Alors c'était quand la dernière fois que vous avez couché avec quelqu'un? Oh, on est obligé de répondre. Hier soir, ça compte pas. Hein. Ouais, j'étais pas courant. Tu dormais bien en t'entendant. Hein. Bah tant mieux. T'as rien senti? Ouais, c'est la question un peu. C'était comme un saucisse dans un couloir, hein. Ça rentrait toute seule. Hein. Les amis, c'est comme un saucisson dans le couloir, ça rentre tout seul. Les amis, on est donc d'accord qu'il est 21h30, on est sur M6, oui. Et j'ai donc entendu, c'est comme un saucisson dans le couloir, ça rentre tout seul. Oui. Absolument, absolument. Ça a changé la télé. Ça a changé. Ces expressions. C'est nouveau, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Ce nouveau nom de l'émission, c'est l'amour est dans les fesses, ils vont le faire plus tard. Et ce sera la troisième partie de l'émission. Et c'est passé tout seul, c'est-à-dire, enfin, l'extrait est passé tout seul. Ouais, ils adorent ça. Il est passé comme un saucisson dans le couloir. Donc, un dernier. Ah, bah là, sur BFM TV, bah, la présentatrice se lâche sur le jingle pensant que son micro est éteint, mais il est allumé, pas de bol. Alors, les amis, ça fait partie de mes moments préférés. Ah, j'adore. On est sur BFM TV. C'est sérieux, hein? Bien sûr. Voilà. Et si vous êtes retraité, que vous fumez, que vous roulez au diesel et qu'en plus vous ne bénéficiez pas de la baisse de la taxe d'habitation, vous prenez cher. Dans le cul. Et oui. Madame, on l'a entendu, le dans le cul. On l'a entendu. Mais comme ils ont dit à BFM Télé, ça passe comme un saucisson dans un couloir. Oui. Bienvenue. C'est quoi cette expression? Merci de nous suivre, on est sur Énergie. 17h38, voici Jane. Eh hey hey, peut-être la playlist suprême, peut-être 50 000 euros. Je le sens. Over you, but I have just better things to do than crying over you. I really got to move on with the love that I keep around. I got my life and I'm a fire. I got my voice to make it higher. Show me the way I could be stronger. Life's too short to look down at you. Things gonna be. City runs into my dreams. Darling, I look up at the sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be. Alright. Things gonna be just fine. Things gonna be. Le hashtag de ce soir, il est très très drôle, il marche très fort à mon avis. On va arriver dans les premières positions des tweets les plus tweetés de France. Le hashtag. On est déjà entêté en fait. Très bien. J'ai toujours pensé que. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Il lui coupe pas la parole. Pardon. Non, mais j'ai toujours pensé qu'il écouterait quand je lui dis de pas couper la parole, mais, il écoute pas. Et pourtant. On en fait quelques-uns. Ouais. Il y a Garounette qui nous dit j'ai toujours pensé que le roi Merlin c'était la maison de Merlin l'Enchanteur qui en plus était roi. Allez, comment donc. Un peu. Il y a. Un peu légèrement. Un chouïa, chouïa. Tout petit chouïa. Oui, oui. Le chouïa du trou. Aria. Aria qui nous dit j'ai toujours pensé qu'un chandail c'était un jardin avec plein de gousses d'ail. Ah oui, un chandail. Mets ton chandail. Ça va sentir. Mais... Un dernier. Et il y a Isabelle qui nous dit j'ai toujours pensé que l'expression découvrir le pot aux roses, ça signifiait qu'on voyait à un moment donné sur la route un poteau rose. Le poteau, oui, poteau d'utilisation. Bien. Voici la liste officielle des animaux plus obsédés que les humains. On en a plein. Les pires, vous les connaissez, les bonobos. Ah oui. Pour eux, tous les prétextes sont bons, reproduction, plaisir, réglage de conflits entre mâles, entre femelles, partout, tout le temps. Moi, rien que de lire, ils m'ont crevé déjà. Je veux dire. La reine des abeilles, on savait pas la reine des abeilles, mais chaque jour, elle se tape pas moins de 40 mâles pour la féconder. Oh. Et après, elle les mange et 40 autres mâles font la queue. Ah, t'as pas intérêt à avoir deux pannes avec elle parce que t'as pas de deuxième chance quoi. Ah ben non, tu peux pas négocier en disant écoute, attends, j'ai des soucis au boulot, je reviens ce soir, je serai au taquet. Non, je vais te bouffer quand même. Ok, on y va. Les facochères. Oui, sympa dans Timon et Bumba. Ils ont l'air sympas les facochères. Oui. Pas de préliminaire, pas de séduction. Le mâle il arrive et bim. Sans demander l'avis de la demoiselle, il fait son affaire et il s'en va. Et sans verser de pension alimentaire, tout ça est un détail. Le facochère s'en fout. Les dauphins. Oui. Oui, pareil. Il le disait dans sa chanson que les dauphins étaient des violeurs, mais c'est vrai. Ils forniquent dès qu'ils en ont l'occasion, avec n'importe qui, même d'autres mammifères et même les humains. Des fois, il y a des plongeuses qui étaient avec, elle dit oh, il est affectif, tu parles, il est affectif, il se frotte, oui. Et donc, mais c'est vrai, et d'après les scientifiques, on dit toujours que les requins ont peur des dauphins. Oui. Eh bien, en fait, les requins ne s'en approchent pas de peur de se faire violer. T'imagines la scène? T'es un requin, t'es le requin des dents de la mer et tu fais non, arrête s'il te plaît. Il perd toute dignité le requin. Non. J'en fais un dernier. L'ours qui est adepte de la fellation plusieurs fois par jour. Oh la vache. Même entre autres mâles, voire d'autres espèces. C'est fou ça. Mais attends, il est souple alors. Mais il y a des, c'est-à-dire qu'il y a des animaux qui lui foutent. Mais comment il fait? En même temps, je les comprends. Va refuser une fellation à un ours. C'est pas faux. Le truc, il fait 600 kilos, il te le demande, tu faut être, ah, bah même hein, nous, hein. Faut être armé pour dire non quand même. Voici Martin Garrix. Tout va bien, c'est le before. Kill the demons of my mind ever since you came around. We a river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, show up gone like strobe lights. With you I feel something real. And I walk a million miles just to see. To live.

Donc au cours du trajet, les trucs se sont gâtés. Le conducteur s'est endormi au volant. Ah carrément. Et l'homme qui tenait à rentrer chez lui a déplacé le chauffeur sur le siège passager. Il a pris le volant. Bon bah je vais rentrer chez moi tout seul. Non mais c'est fantastique. Chez Uber, y a une différence de maintenant par rapport à avant. Oui. Déjà maintenant il n'y a plus d'eau minérale. Oui c'est vrai, il n'y a plus de bonbons. Il n'y a plus de recharge de téléphone. Il n'y a plus le mec qui ouvre la porte. Maintenant il n'y a plus le mec qui conduit non plus. Il n'y a plus le chauffeur. Attends, il y aura une voiture ouverte, tu devras te débrouiller. Écoutez cette pub, c'est une vraie pub Uber. C'est la vraie pub. C'est la vraie pub. Écoutez la fin, je vous assure, les mecs, ils avaient prévu le coup. Ces routes nous ont appris une chose. Nous n'irions nulle part sans vous. Et nous avons hâte de voir où vous nous emmènerez demain. Eh oui, et ben voilà. Et ben nous avons hâte de voir où vous nous emmènerez demain. C'est énorme, le mec qui était visionnaire. Les mecs, ils l'avaient prévu dans la pub. Ils ont dit non, parce que nous, on sera bourrés. Donc c'est à vous de conduire. On a hâte de voir où vous allez nous emmener, parce que nous on dormira. Si elle va au soleil. Va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Porque no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor. Besito a besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí que ya no puedo parar. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. Ça n'est pas encore le moment pour gagner les 50 000 euros et la playlist suprême, mais je le sens, je vous dis, je le sens, je le sens. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Ça peut tomber tout à l'heure, ça va tomber 50 000 euros dès que vous entendez la playlist suprême Énergie. Vous faites le 39-37 et une personne gagnera 50 000 euros. Alvaro Soler sera notre invité quel jour, Stouff ? Jeudi. Avec la chanson que vous venez d'entendre, La Centura. L'album va s'appeler El Pantalono. Et puis après, il y aura El Chaussureau, le prochain. Ça y est. Le Brotelos. Pour la Fashion Week. Bon, on y va. Voici les stars américaines qui chantent en français. On fait une bise à Beyoncé qui écoute tous les jours cette émission. Beyoncé a décidé un jour de reprendre les choristes. Vous vous souvenez ? Passe ton chemin. Eh bien, Beyoncé a essayé, mais vous savez, l'accent français est très très dur. Ouais, c'est compliqué. Et à un moment donné, elle chante. Écoutez bien ce qu'elle dit. Non, Non. Ça n'est pas l'andouille le soir, mais l'onde d'espoir. Pas l'andouille le soir. Non, toujours pas. Même à un moment donné, elle dit Apon nos enfantants. Voilà, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, c'est bonheur enfantin, parce qu'abonne nos enfantants, ça veut rien dire. Abonne nos enfantants. Non, abonne nos enfantants. Non, vraiment pas. J'ai beau chercher, refais-le. Abonne nos enfantants. Non, ça veut rien dire du tout. Et enfin, elle remet ça une fois avec l'andouille du soir, à tort de l'habiller. Non. Ça n'est pas l'andouille du soir à tort de l'habiller, mais l'onde d'espoir, ardeur de la vie, ce qui n'a aucun rapport. Shakira, vous vous souvenez que je l'aime à mourir ? Oui. Ah, c'est magique. Quand elle dit, vous pouvez me truite. Hein ? Vous pouvez me truite. Oui. Non, pas vous pouvez me truite. Non, c'est vous pouvez me dire. Non, ça ne veut toujours rien dire. Pareil, quand elle dit, elle a gobé les chibres, les oranges, le quartier. Non. Oh madame, il n'y a que Eddie de Préto qui a le droit de dire chibre. Vous n'avez pas le droit. Non, pas du tout. C'est elle a gommé les chiffres, les horloges du quartier. Je vais gommer les chiffres. On n'en fait pas une chanson. Et puis il y a Michael Jackson. Michael Jackson qui avait voulu faire sa chanson en français. Alors lui, il a utilisé Google Trad pour faire ses chansons. I just can't stop loving you. Vous vous souvenez de cette chanson? Ah oui. Et bien, à un moment donné, au lieu de dire je ne peux pas arrêter de t'aimer, ça a donné je ne veux pas la fin de nous. Ce qui ne veut rien dire. C'est moi, Michael, c'est moi, je te jure, c'est moi. Attention, je ne veux pas la fin de nous. Je ne veux pas la fin de nous. À un moment donné, il était lancé, Google Trad était à fond. Il a même dit j'ai dosé tout l'hiver dans toi, c'est ton ovaire, ne t'en va pas, écoutez bien. Ça veut rien dire, Michael, je te jure, ça veut rien dire. Dans 3 minutes, l'émission publique en bas et dans notre grand studio, reste avec nous. Le hashtag de ce soir, c'est... J'ai toujours pensé que. Et on est numéro 3 TT France et ça va monter. À tout de suite en public. Quand une lionne arrive à tout gérer, un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Elle dit jamais son dernier mot. Et tu peux lire sous ses paupières. Toujours la famille d'abord. Elle va tout assumer. Le genre de femme qui a chaque problème s'en sort. Elle va tout assumer. Très bien comment gérer sa vie. Charismatique, magique. Elle est sexy. Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques, elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite. Son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère, elle sait dire non. Tout assumé. Ta sueur. 17h, 20h. Vous êtes prêts? C'est début! Est-ce que tout le monde est en pleine forme dans le public? Ah oui! Et il y a de la fille! J'ai l'impression d'être aux États-Unis quand ça fait wouh! J'avais adoré cette vidéo. Vous aviez vu cette vidéo? Je change de sujet, 18h06, bienvenue dans l'émission en public, deuxième partie sur Énergie. Vous aviez vu cette vidéo du mec qui fait un talk show américain, Jimmy Fallon? Non. Vous avez pas vu ça avec Paul McCartney? Vous l'avez pas vu balader sur internet? Le mec, il se met à l'entrée un ascenseur, donc Jimmy Fallon est présentateur, il est avec Paul McCartney. Et quand les gens du bureau, l'ascenseur s'ouvre, les gens découvrent Jimmy Fallon et Paul McCartney. Et l'ascenseur se referme comme si de rien n'était. Et là, les gens font le même bruit que ça. Ils font wouhou, tu vois, genre folie. Et je me suis dit, tiens, en France, on pourrait l'essayer. Et je suis sûr qu'en France, ce serait pas du tout ça. On n'aurait pas le même accueil. En France, ce serait. Ils ouvriraient. On a du travail. Fermez la porte. Fermez la porte. Laissez-nous travailler. Vous descendez, vous montez. Vite. Nous, une fois, là, il fait ici à Énergie, on avait. Avec Ed Sheeran, ouais. Il fait avec Ed Sheeran. C'était passé comment? À l'échec! Cuisant! À l'échec! Cuisant! Cuisant, l'échec! Dès que la porte s'ouvrait, t'avais les gens des bureaux, ils faisaient. Ouais, ok. Ouais. Bah, je vais prendre j'entendais toujours. Moi, je vais prendre l'escalier. Ah, c'est toujours les mêmes relous qui bloquent l'ascenseur. Et une fois, j'avais mis Vianney avec sa guitare. Et alors qui jouait de la musique et tout, je me suis dit ça ferait plaisir aux gens de l'étage. Ouais. Et les gens ils rentraient et faisaient ah non, je vois. Fais prendre notre ascenseur. Donc autant vous dire que on peut pas faire ce que fait Jimmy Fallon. Non, on pas. Mais c'est pas pareil. Mais je pense que ce soir on a un public de folie. Tout à l'heure on aura notre invité. Oh my god, it's amazing! Il y aura tout à l'heure notre invité, il y aura qui stouffe? Eddie De Preto. Oui, il sera là tout à l'heure. Vous savez que si vous faites ça tout à l'heure devant Eddie De Preto, attention, pas trop de folie d'un coup. Il est sympa. Il est top, Eddie De Preto. Qui l'a déjà rencontré dans le public? Qui l'a déjà vu? Voilà. Qui est fan? Ah bah tout le public. Comme ça c'est réglé. C'est bien. Non mais vraiment, il est très bien ce garçon. Il chante. On est d'accord que c'est pas le Patrick Sébastien de la pop au niveau de la c'est pas le roi de la déconnade. Mais bon. Non, il va pas faire tourner les serviettes, quoi. C'est voilà. Ça que je veux dire. Ouais, c'est un poète. C'est un poète, mais le type est très sympa. Ouais. Il sera notre invité tout à l'heure et vous pourrez lui poser des questions si vous êtes fan de lui. N'oubliez pas, Alvaro Soler avec El Pantalono, El Cinturo et toute la Pandrio. Jeudi, il y aura Alvaro Soler qui sera là. El Pandrio. Et demain, c'est notre coup de cœur. Pour les fans, la semaine prochaine, Jennifer sera notre invitée, viendra chanter son nouveau titre. Vous avez été nombreux à nous le demander, je vous le dis. Kev Adams sera notre invité et on aura aussi Vita et Slimane qui sera notre invité la semaine prochaine. T'as de la mémoire, c'est ouf. Comment? T'as de la mémoire, c'est ouf. On s'est noté surtout. Ça va aller. Monsieur Bordas, on a notre hashtag cartonne, on en fait quelques-uns. Il y a Laura qui nous dit: j'ai toujours pensé que si j'avais un chewing-gum et que je le mangeais, j'attraperais l'appendice. Non, si je l'avale, pas si je le mange. L'appendicite. Attention, on laisse le réfléchir. L'appendice. Mets une musique de réflexion. Non, laisse-le. Non, mais l'appendice. On attrape l'appendice ou l'appendice? Non, laissez-le réfléchir. Ne l'aidez pas. Laissez-le marcher seul. C'est comme les bébés, des fois. Vous savez, comme les enfants, il faut les lâcher, il faut qu'ils tombent. Faut les laisser faire. L'appendice. Je suis l'appendice. Je suis lapin 11. Je suis lapin 12. Cherchez sur Google. Il y avait lapin 9 avant, qui était une bonne suite. Mais l'appendice, ça a mieux marché. La crise d'appendicite. Donc, refais ta phrase. Donc, j'ai toujours pensé que si j'avais un chewing-gum, j'attraperais la crise d'appendicite. Appendicite. Mais tu comprends ce que tu... Est-ce que... Dis-moi, pourquoi t'es avec d'appendicite? Appendicite. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Ben, je sais pas ce que c'est, mais... Alors, on l'a refait avec tous les éléments qu'on vient de te dire. Donc, j'ai toujours pensé que si j'avalais un chewing-gum, j'attraperais la crise d'appendicite. Il n'arrive même plus à dire j'attraperais, il ne sait même plus le conjuguer. Tu dis appendicite. Non, oui, c'est ce qu'on disait quand on était gamin. On disait si t'avales le chewing-gum, on va t'opérer de l'appendicite. Et si tu tronches les ongles aussi. Voilà, mais tout ça c'est faux, donc maintenant j'avale mes chewing-gums, je ne les mâche plus du tout. Revanche sur ma jeunesse. Direct. On a le temps de faire l'appel promo, on le fera dans un instant. Alors, non, on a le temps. Allez, on appelle. On appelle qui aujourd'hui? Suite. Ah oui. On fait un Noroto. On n'avait pas réussi. C'est vrai, oui. Personne ne voulait me parler, on en a fait un autre. Donc le principe est simple, on a besoin, comme on vient d'arriver sur Énergie, on prend tous les magasins disponibles en oui, France. Oui, Stéphane pour... Laurent Autionville, bonjour. Oui, bonjour Laurent Autionville, Sébastien Coé de Énergie toute la France, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Vous êtes en forme? C'est le Lapinou, ça. C'est vieux, ça. C'est ma génération, c'est pour ça. Tu te souviens, de ça? Ouais, le Lapinou dans la garrigue, on a tous chanté là-dessus. Alors, pour les plus jeunes, petit rappel, attention. Michel, ouais, le Lapinou dans la garrigue, c'était une chanson qui faisait... C'est le Lapinou dans la garrigue. C'est le Lapinou dans la garrigue. C'est le Lapinou, c'est le Lapinou, c'est le Lapinou dans la garrigue. Et avec ça, on avait des millions de fans, ne me demandez pas pourquoi. On avait bossé, hein. Ouais, mais tu peux. Mais ça marche avec tout. Et c'est Noroto qui te change le pot. Et c'est Noroto qui te change le pot. Ouais, mais sinon, tu peux la faire. Et c'est Feu Vert qui te la met à l'envers. Et c'est... Non, allez, on déconne. Mon ami de Noroto, j'ai besoin de toi. Papier, stylo, tu as un micro? Oui, bah je vais vous passer Joris, il va s'occuper de ça. Passe-moi Joris, ah, allez, merci, on y va. Merci. Allez, go. Spécialiste du micro. Allô? Allô? Tu es le DJ de chez Noroto? Ouais, c'est ça, c'est moi. Est-ce que tu peux dire qu'il y a une 205 mal garée devant l'établissement, s'il te plaît? Non, non. Mais on cherche le propriétaire depuis tout à l'heure, on va voir. Attention, papier, stylo, tu es prêt? Je suis prêt. Voici la phrase à dire. Écoute Coé tous les jours sur Énergie. Écoute Coé tous les jours sur Énergie. De 17h à 20h. Tu notes ou t'es parti? Je suis en train de noter, ah bon, de 17h à 20h. Ça fait claquer la batterie. Ah, ça fait claquer la batterie en plus. Et péter les boomers. Ça fait... Attends, péter les boomers. Claque un coup. Ça me fait péter la... ça me fait claquer la batterie et péter les boomers. Tu es prêt? Attends deux secondes. Bon, j'ai claqué. Meurs. T'écris doucement quand même. Bah, je travaille moi. C'est un policier. Ça fait claquer la batterie. Péter les boomers. Qui prennent le téléphone avec lui. Bien sûr, mais on va l'entendre. On va voir une fois. Tu es prêt? Allez, on y va. Attention, annonce Noroto, premier. Avis à la clientèle. Écoutez Coé tous les jours sur Énergie de 17h à 20h. Ça fait claquer les batteries. Et non, ouais, non, non, ça non, refais là parce que là ça vient. Redemande la fin. Ça fait claquer la batterie et péter les boomers. Ça fait claquer la batterie et péter les boomers. Tu peux le refaire depuis le début, s'il te plaît? Je le refais depuis le début, si tu veux. Là, tu parles toujours, tu dis toujours le micro, t'as pas de fil. C'est ouf. D'accord, ok. On y retourne. Alors, écoutez Coé tous les jours sur Énergie, de 17h à 20h, ça fait claquer la batterie et sauter les boomers. C'est péter les boomers. On est bien là, non? C'est péter les boomers. C'est péter les boomers. C'est péter les boomers. Non, non, t'as dit sauter les boomers. Ouais, mais faut faire sauter des trucs. Non, c'est péter les boomers. Tu peux leur faire les... Encore une fois, tu vois? Ouais, c'est péter les boomers. Parce que les clients, ils comprennent plus rien là. Alors, je sais, attends. Mais ça fait péter les boomers. Sauter les boomers, ça veut rien dire. Ouais, c'est vrai. Ah, oui. Écoutez Coé tous les jours sur Énergie de 17h à 20h. Ça fait claquer les batteries et péter les boomers. Oui! Ouais, c'est bon, c'est validé! C'est validé! Très bien, monsieur Noroto, quel est ton prénom? Joris? Joris, c'est ça. Je te fais un gros bisou, mon ami, bravo. À quel endroit il est le Noroto? À Thionville. À Thionville, je te fais un bisou et embrasse tous les clients, d'accord? Merci, c'est gentil, bonne soirée. À bientôt, mon ami, bienvenue sur Énergie, tout le monde. 17h, 20h, c'est Coé sur Énergie. This is what we're waiting for.

monster out, and it's coming after me. Do you feel exposed where it hurts the most? Can you wear it on your sleeve? I like to make believe with you. Il y a eu une phase, des lumières qui ont clignoté. C'était rencontre du troisième type, un vaisseau spatial à terre. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu te plaignais de ne pas avoir de lumière sur toi? Là j'en ai. Toujours pas sur moi. Ah oui, mais non, mais sinon ça reflète sur après, le. Après tu dis tu brilles. Sur le crâne. Sur le ton doux visage. Sur ta chevelure. Très attention toi. Voilà. Ah si, ça reflète grave. Non mais sans déconner, arrête. Bon, on verra ça dans un instant, touche pas toi. Le hashtag de ce soir. J'ai toujours pensé que. Quelle position? Numéro 3 TT France. Pourri, je veux qu'on soit numéro 1. Arrête, c'est déjà bien. Tu m'en fais un, tu me feras les autres quand on sera numéro 1 TT France. D'accord, très bien. Il y a Difficulty qui dit j'ai toujours pensé que si je matais un truc interdit au moins de 16 ans, je risquais d'aller en prison. C'est pas con. Oui. Mais c'est pas ouf. Ouais. Je vous lis quelques-uns des messages de tous les réseaux sociaux chopés par Bordas. Alors on va commencer par le haters du jour. Ah, il y en a un? On vous lit beaucoup de messages gentils, mais je vais être honnête avec vous. Il y a des fois aussi. Alors, des messages moins sympas. On a de la chance, franchement. Il n'y en a pas des masses, mais quand on en trouve un drôle, je vais vous lire celui de Fabien S. Tombé par hasard ici. Le mec se justifie. Hein. Ouais. Tombé par hasard ici. Je ne sais pas comment tu peux tomber par hasard. Ouais. Sur Facebook ou sur Twitter? La dernière vidéo qui est sortie sur YouTube. Il est sur YouTube. Ouais. Donc il tombe, le mec, par hasard sur ma chaîne YouTube. Bon, ouais. Il est tombé par hasard. Bon. Koé existe toujours? Lol. Je vois que oui. Je ne comprends pas que ces merdes d'émission qui lobotomisent la cervelle marchent bien. Sérieux, il y a d'autres choses à faire qu'écouter un gros malade qui se prend encore pour un gamin. Et moi j'ai envie de rajouter, n'y a-t-il pas mieux à faire que de perdre du temps à commenter un mec que t'aimes pas? Ah oui, c'est pas faux. Jamais compris ça. Jamais compris. Les mecs qui perdent leur temps. À ce point, le mec s'emmerde dans sa vie, faire « Ah, je le déteste !» Je vais lui dire. Je vais lui dire. Je vais prendre mon temps personnel. Alors, je vais lui dire, formule de politesse, je vais écrire un coup, qu'est-ce que je veux dire? Cher connard, je ne t'aime pas. FDP. Smiley caca, caca avec des yeux, caca avec des yeux. Formule de politesse, CDT non, je mets FDP. Voilà, c'est tout. Bon, on continue. Il y a pire, hein. Il y a le mec qui va t'écrire pour te dire « T'es qui ?» Ils sont bons ceux-là des fois. C'est génial. Quoi? On continue. Matt Stéphane, salut Koé. Alors, Quidditch, c'est bien TH à la fin et non SH, ta langue a dû fourcher petit serpentard. Eh bien, Matt, sache que je me suis certainement trompé, ouais. N'étant pas un adepte du Quidditch. On sort le fan. Message de Kevin France Bleu. Hello, je serai dans le public de l'émission du vendredi 5 octobre. C'est génial. Si Koé retweet, je vous offre une pizza pour 10 personnes. Allez, on retweet. Une pizza pour 10 personnes. Tu me le retweets? Allez, une pizza pour 10 personnes. Et si je te retweet deux fois, c'est une grosse pizza pour 10 personnes. Elle a intérêt parce que. Ah oui, parce que si c'est une personne comme Jeff. Ah non, moi c'est 10 personnes pour 10 pizzas pour moi. Au contraire. On continue, Camille. Un petit message pour mon anniversaire, me remontrer le moral de ce temps de merde en Picardie. Bonne journée, mon petit coco. Je te fais un gros bisou, Camille. On te souhaite un joyeux anniversaire. De Nicolas Grondin. Bref, seuls les vrais. En voyant ça, se rompelleront du One Man de Koé, disponible sur Netflix. Il a envoyé une capture d'écran, une photo. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est un robot de papier toilette. Ah, le truc de papier toilette. Ah, j'avais pas vu. Il y a un sketch sur le papier toilette. J'ai oublié. C'est une planète. Moi aussi, j'ai cru que c'était une planète lointaine. Quoi d'autre encore? Oh, il y a eu des trucs sur Enora, on va pas en parler. Qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, il y a eu Enora qui parlait de messages parce qu'elle est au théâtre, c'est ça? Oui. Oui. Je vous attends au théâtre du gymnase. Il y a des gens qui ont mis derrière, très déçus de toi, tu es hypocrite, tu cherches quoi en crachant sur tes anciens collègues, même sur Cyril Hanouna, n'oublie pas ce que tu lui dois, tu fais pareil avec Koé, ils te font bosser, tu craches. Oh. Oui. Vous embêtez pas. Regardez, moi je suis zen, si moi je le suis, soyez-le vous-même. Non, mais c'est pas grave tout ça. Non, on s'en fout. Non, et puis je l'aime bien, je lui souhaite vraiment beaucoup de courage pour le théâtre parce que c'est pas facile à faire tous les soirs. Message de Pauline. Hello l'équipe, petite question pour le jeu du cache-cache. Quand on s'inscrit, est-ce que c'est valable pour la journée, la semaine, le mois ou les 10 années qui viennent? J'ai cherché pour le règlement, mais j'ai pas trouvé. Merci, bisous. Alors, on a la réponse. C'est valable tout le temps? Ah bah non. Il y a une date limite quand même. Non, celui qui s'inscrit. La semaine. Bah ok, tu sais pas. Tu peux pas dire je sais pas parce qu'on est passé de tout le temps à la semaine. Dans 3 secondes, ça va être dans l'heure. C'est à la semaine. Bon, bah t'es sûr? Non. Non. Ah, parce que t'as la tête de la nana qui est pas sûre. Message de Mehdi. Yo poto, refais une émission, bienvenue chez Koé. Un jour cousin, ça cartonnait. Wesh gros, je vais essayer. Message de Justine Baye. Salut Koé, j'ai entendu que tu cherchais des allergies les plus bizarres. Moi je suis allergique au froid. J'ai de l'urticaire si j'ai froid. Le pire c'est que je vis en Picardie, alors imagine. Elle me met PS, impossible de joindre quelqu'un au standard. Dis Claude, l'équipe. I got you. Et non. Oui, I got you. Et non. Mais moi je réponds au téléphone. Ah, j'étais en rasera sûrement parce que j'ai décroché hier toute la journée. J'ai eu du monde, mais peut-être que les appels sont filtrés et que j'ai pas pu répondre à ma charmante demoiselle. Mais je t'en fous. Vas-y, griffouille-toi. Salut les frérots. Salut Koé, est-ce que tu vas bien? Je t'écoute ton podcast. Ah oui, écoutez bien les podcasts de l'émission. Je fais un bisou à ceux qui nous écoutent en décalé et en podcast. J'écoute le podcast de vendredi et je viens d'entendre que tu as signé pour des nouvelles dates de ton spectacle. Jeff parlait de Pfaffenhoffen en Alsace et il se trouve à 10 minutes de chez moi. Est-ce que j'ai bien compris? Parce que j'ai vraiment hâte de te voir sur scène. J'aimerais avoir la confirmation. Eh bien, Jeff, allons-nous aller à Pfaffenhoffen le 18 mai. Eh bien, voilà, nous avons un peu le temps, hein, mais voilà, nous allons à Pfaffenhoffen. Donc, et dans pas mal d'autres dates pour le rodage du One Man, ça va être un bonheur. Dans un instant, ma pire vengeance, on aura celle de Sandrine, qui habite Lyon. Ça va, Sandrine? Salut Koé, salut tout le monde. Ne bouge pas, tu nous expliques tout ça dans un instant. Restez là, on est sur l'énergie. Ah bah il bouffe, moi là. C'est toi qui le bouffe. Non, c'est lui qui me bouffe. Non, c'est toi. Et continue en plus, continue de chanter. Baisse les yeux, baisse les yeux. Mais arrête de parler enfin. Mais c'est moi qui gagne là-dessus. C'est un disque. Remets-le, Michette. Remets-le. Oh non. Remets-moi, remets-moi en entier. Il a bouffé Kenji. T'as bouffé Kenji. Jeff pourrait boucher, bouffer Kenji. Moi, c'est mon copain. Je ne permettrai pas, mais Jeff, il bouffe tout. Il bouffe Kenji, la famille de Kenji, la guitare, il bouffe tout. Hein. La caravane. Crois-moi qu'il ne reste plus rien. Hein. Allez, on y va. Voici Kenji sur NRJ en entier. Et puis personne ne le coupe, s'il vous plaît. Michette, tu veux la notice? Non, il y a un problème. Il a tout cassé. On a vraiment bouffé Kenji. C'est bon. Allez, vas-y, c'est moi Kenji. Voilà, on y va. Plus de bruit, plus rien. Non, parle pas. Sur NRJ, merci. Ça fait pas deux fois, ça fait pas. Je parle plus, j'ai fini. Enfant des villes ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera, comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Le temps qu'on passe à pleurer s'amoncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue, comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête. Pour oublier, pour oublier, pour oublier, pour oublier. Il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur. futur ni passé. Y'a plus ni futur ni passé. Danser, danser. Y'a plus ni futur ni passé. Y'a plus ni futur ni passé. Y'a plus ni futur ni passé. Danser, danser. Faire les rois pour se vider la tête, tout oublier, tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête, oh, pour oublier, pour oublier, pour oublier, pour oublier, pour oublier, pour oublier. Y'a plus ni futur ni passé. C'est Coé sur Énergie. Avec Eddy de Bretto, qui sera notre invité tout à l'heure. Fête de trop. Et je fête des fêtes, et ça jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question tout à l'heure, qui m'a dit, pourquoi Eddy de Bretto, dès qu'il est sur scène, quelqu'un qui fait du bruit là. Je voulais voir si on nous entendait, Nico, sur l'application, Nico, ça marchait bien. Est-ce que tu peux éviter d'écouter sur l'application, chaque côté de toi. Le pire, c'est qu'il n'a pas assumé, il l'a caché. Non, mais ça marche bien. Hein. Non, mais le mec, il kiffe tellement l'émission, il écoute par l'application, alors c'est pas moi. Non, mais juste, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, il faut que je la pose à Eddy de Pretto tout à l'heure. Quand il est sur scène pendant un festival et tout, il paraît qu'il vient toujours avec son téléphone portable. Bien sûr. Oui, bah oui. Il prend son téléphone, il le pose, il l'utilise plus, mais il a son téléphone. Ouais. Alors, est-ce qu'il reçoit un appel? Est-ce qu'il a un coup de fil de la banque? Et en Bluetooth, peut-être. Est-ce que la dame, elle fait « Monsieur de Pretto, votre carte bleue est arrivée ». Est-ce qu'il attend une commande? Est-ce que le mec d'Uber Eats ne trouve pas la scène quand il est en concert? Je ne sais pas. Il lançait ses instruments sur son téléphone. Ouais. Hein. Oui, mais pas sur tout un festival. Ah ouais. Sur une fois. Bah, il a intérêt à avoir de la batterie, parce que... Les amis, on verra ça dans un instant. Petite pause de secondes pour... faire un bisou à quelqu'un. Alors, je vous assure, c'est pas une blague, là, pour une fois. J'ai lu dans le journal qu'il y a une dame qui s'appelle Henriette Ardouin, qui a une boutique de photos, c'est ça, hein ? Oui. Qui s'appelle Madame Alix. Bon, ça fait un peu... Oui. On va voir chez Madame Alix. Bon. Un peu Madame Claude. Et elle habite dans la ville de Luchon. Cette dame, elle a 100 ans. Et elle tient toujours sa boutique de photos. Elle bosse encore. Wow. Elle bosse encore à 100 ans. La vache. Je trouve ça trop mignon, alors que nous, à 100 ans, qu'est-ce qu'on fera à 100 ans? Moi, je sais, je ferai le morning de Radio Nostalgie. Moi, je serai à côté. Je serai là, je serai debout les sauces, debout, tout de suite. Voici l'artiste qui vient de rentrer sur Radio Nostalgie. Wesh, wesh. Et ensuite, Maître Gims. Oui, parce qu'elle est pas dans... Bah oui. Ils sont vieux. Voilà, bon, pour l'instant... Il est là, Maître Gims. Bah, avant, il garait sa Mercedes. Maintenant, c'est le déambulateur. Hein. Il galère. Mais lui aussi, il sera sur Nostalgie. J'appelle cette dame. Je veux juste lui faire un bisou. On a prévenu qu'on téléphonait hein, pour lui. Pour la prévenir quand même. 100 ans et elle bosse toujours. C'est trop mignon. Henriette. Bon, alors, j'espère que on entend le téléphone. Allô, vous êtes Henriette? Bonjour, je suis Coé. Comment allez-vous? Ah, mais je suis très... Ça va très, très bien. On me fête mes 10 ans. Ah oui, c'est ça. On fête vos 10 ans. Vous savez quoi? On voulait vous féliciter. Tout simplement. Oh, c'est gentil, gentil, gentil, gentil. Mais vous savez, je sais pas, j'ai tellement de personnes qui me félicitent. Je suis comblée, vraiment, et très heureuse de tout mais, ça. Mais vous avez réellement 100 ans, Henriette? Oui. Oh là là là là là. Je sais même pas si j'y arriverai, moi, vous imaginez? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, pas vous. J'y arriverai pas. Mais vous, est-ce que tout va bien? Attendez, je vais prendre 2 secondes des nouvelles. Oui, tout va bien. J'ai toujours travaillé, je travaille encore. Et ma foi, je sais pas, j'ai la santé, c'est ça, surtout. Mais la retraite, c'est pour quand? Parce qu'ils vous attendent depuis 40 ans, hein? Ah ben oui, mais la retraite, je leur dirai quand je serai prête à prendre la prendre, la retraite. Vous n'êtes toujours pas prête à prendre la retraite à 100 ans? Ah, je suis pas prête. Bon, et alors, hey, vous faites plaisir, dites-moi, là, les petits plats, tout ça, j'espère que vous faites... Vous ça va, vous faites plaisir? Ah, bah, écoutez, le travail, c'est pour moi, c'est la vie. Vous avez raison. Un petit morceau de chocolat de temps en temps? Ah, oh, mais de temps en temps, ça arrive, ça, oui. Oui, oui. Pas d'alcool? Pas d'alcool, un petit coup de temps en temps? De l'alcool, enfin, quand j'ai quelqu'un comme ça, avec mes neveux ou quoi, bien sûr, un petit peu d'alcool, un petit peu de... C'est du pinot que je prends surtout. C'est de quoi? Du pinot. Des kilos? Non, du pinot. Du pinot, ah d'accord. Bon, mais vous fumez pas? Et parce que le pinot, c'était madame Margiot. Le pinot, bah oui, évidemment. Je vous enverrai une caisse de pinot, vous allez voir. Oui, c'est la Charente-Maritime. Je connais bien. Henriette, Henriette, est-ce que la boutique de photos marche bien? Ça va? Tout va bien? Écoutez, je la fais marcher le mieux possible, mais je ne dis pas que ça marche très, très bien. Non, ouais, bon. Mais enfin, écoutez, le principal, pour que je puisse payer les factures, c'est le principal. C'est le principal, d'accord. Si jamais je vous envoie des photos qui sont sur ma clé USB en AirPlay via WhatsApp pour faire un WeTransfer, vous pouvez me la décompresser en fichier zip? Oh, oui, je pense, oui. Elle est énorme. Elle est énorme. Oui, je pense. C'est énorme. Génial. Eh ben, vous savez quoi? On vous applaudit en retard. Bravo, bravo, bravo. À bientôt. Je vous embrasse fort. Merci. Bisous, Henriette. Génial. Elle a la pêche, hein. C'est extraordinaire. 100 ans. Quel état je serais, moi, 100 ans? Sans dents. Ah, ça ressemblera plus à rien. Ah non, mais c'est que des trucs bouillis. Ça se passe chez nous, 17h-20h. On fait un gros bisou à ceux qui nous écoutent sur l'appli Énergie un peu partout dans le monde, dont Miko qui est à côté de moi. Je confirme, ça marche très bien. Alors ça marche à 10 cm de moi. Alors il paraît que si ça marche dans les autres endroits du monde et que vous nous écoutez sur l'appli, envoyez-nous un mail coenergie.com. Dites-nous que ça marche également. Et un bisou à ceux qui nous écoutent sur les podcasts, parce que vous êtes nombreux le lendemain, ceux qui bossent tôt le matin, oui, à écouter nos podcasts et tout. On vous fait un gros bisou et j'espère que vous allez bien. Et allez-y bosser maintenant. Voilà. C'est joli de rigoler à nos conneries, mais ça. Pas sûr tout seul. On fait un bisou à Sandrine de Lyon qui attend depuis 3 jours. Ça va, Sandrine? C'est ça, 3 jours à peu près. Ouais, ça va et vous? Ça va bien. Est-ce que tout va bien à Lyon? Eh ben tout va bien à Lyon, on a le soleil, tu vois. Cool. Nous aussi. Voici le spécial vengeance. Oula. Eh oui. Quelle est la pire vengeance de Sandrine et surtout pourquoi et pour qui? Alors ma pire vengeance, elle est pour Gabin, Noah, Sophie et Gaëtan. C'est qui? C'est des enfants ça? Non, ce sont des copains. Qui, attends, pardon, excuse-moi. Attends, fais une pause. Rappelle-moi le prénom de tes copains. Gabin. Ouais. Sophie. Mm-hmm. Gaëtan. Noah. Des enfants, c'est le nom d'enfants. C'est incroyable. Ah non. C'est marrant, il a raison. Ouais, c'est étonnant comme prénom d'adulte. Gabin, non, là, c'est rigolo. Oui, que... ben, Gabin, peut-être Jean-Bac Gabin, Sophie, les malheurs de Sophie, tu vois, des trucs. Ouais, non, Yannick Noah. Gaëtan. Non, je ne demande pas d'explication. Je trouve que c'est. Ça fait pas demandé pourquoi. Tu sais, ça fait très boys band, mais pas rebelle. Oui, ça sent les mecs qui font une connerie, mais qui nettoient et passent l'aspi après, tu vois. Coiffé comme Vianney en disant salut, excusez-nous. Zemmour, il aurait pas aimé. Ça fait sage, en fait. Ça fait sage. Zemmour, il dit toi, tu veux que t'appelles Corinne, t'as une tête à t'appeler Corinne. Bon alors, Sandrine, donc je t'écoute. Donc c'est pour eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'arrêtaient pas de critiquer ma bouffe. En fait, apparemment, je suis une très mauvaise cuisinière. Donc un soir, je les invite. Sauf que je leur ai fait des crêpes avec du laxatif, en fait. Oh non! Ça serait pas une bonne idée. Mais alors, est-ce que ça marche vraiment? Je me suis toujours posé la question. C'est une nuit pourrie, clairement. Si tu la mets dans la farine. Ouais, parce que je crois que l'effet, il n'est pas immédiat. Il est quelques heures après, pendant la digestion. C'est pas instantané, je crois. Bah, ils ont vachement mal digéré du coup mes crêpes. Elle rigole, elle est heureuse, elle est méchante, elle est heureuse. Ouais, non, oui. elle est méchante. Non mais. Et du coup maintenant on peut aller qu'au resto en fait. Je peux plus les inviter chez moi, ils veulent plus. Ils sont pas fous. Hein. Une fois ça a été. Je te fais un gros bisou ma petite Sandrine. Je t'embrasse. Salut, à bonne bientôt. Soirée à tous. Vous avez des crêpes au laxatif. Vous avez de la pâte? Vous avez du laxatif? Bah vous faites des crêpes, vous mettez du laxatif. On fait un bisou à Fabien. Ça va Fabien? Ça va à toute l'équipe. Salut mon Fabien. Salut. Bienvenue chez nous Fabien. Fabien, raconte-moi un petit peu ta pire vengeance. Bah en gros mon ex qui m'a trompé. Oh ça c'est moche. Avec qui? Avec quelqu'un que je connaissais pas. Tu vois, d'accord. Mais, okay. Bon, elle m'a trompé quoi. Ouais non pas avec quelqu'un que je connaissais. Heureusement. Mais bon, moi par rapport à ça, j'ai voulu me venger. Ouais. Et donc, sa meilleure amie, j'ai tout fait pour la serrer. Quand j'ai réussi à la serrer, des petites photos et je lui ai envoyé un cadeau de rupture avec les photos. Et c'était cadeau. Le mec il revit la vengeance. C'est salaud quand même. C'est pas bien, mais il a souffert, on lui pardonne. Mais c'est dur quand même. Oui, mais photo comment? Photo en mode bisou quoi? Non. En mode bisou plus? Oui, dans les fesses. Ouais, plus quoi. Bon, vous me reconnaissez pas, mais. On voyait que mes yeux. Tu me reconnais là? Bonjour. C'est horrible. Je te fais un gros bisou mon Fabien, je t'embrasse, à bientôt. Bon mon pote, que ce c'est dans un instant, 0870 42 48. Il y a quoi à gagner Stouff? Une PS4. Retrouvez le que ce c'est. C'est un objet ou un truc du commun, vous me retrouvez le que ce c'est. Et il y a une PS4 à gagner, plus pas mal de trucs. Ça se passe sur Énergie, à tout de suite, et dit de près tôt dans une demi-heure. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits au travail. Énergie, Hit Music Only. On m'avait dit pour l'offre comme quoi Opel reprenait tout ce qui roule, 4 300 € pour l'achat d'une Opel Corsa. Oui, c'est ça, j'avais dit. On m'avait dit aussi que l'offre serait prolongée jusqu'au 30 septembre. Ouais, c'est ça, j'avais redit. Et puis l'offre, elle est passée et depuis, j'ose plus rien dire. J'en mène pas large. C'est pourtant vrai. En prolongeant les German Days, journée allemande jusqu'au 30 septembre, Opel vous reprend tout ce qui roule 4 300 € minimum pour l'achat d'une Corsa neuve en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Intermarché vous propose d'écouter 6,89 €. Excusez-moi, une petite seconde. Ah, voilà, ça va mieux. Je disais donc que le prix du lot de 2 paquets de dosettes de café Tassimo L'Or Expresso est à seulement 6,89 €, avec en plus 70% d'avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 208 grammes, soit 33,13 € le kilo, jusqu'au 30 septembre. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.

y'all, down for y'all, down for y'all, always. Sur énergie. Oui. 17h-20h. C'est Coé sur énergie. On est tous là. Avant d'avoir le qui succès. Dans un instant, pour gagner la PS4, une info. On apprend qu'un restaurant japonais d'une ville en Allemagne qui s'appelle Landshut promet de manger à volonté pour 15,90€. Vous avez vu que ça, c'est la nouvelle, oui. C'est le nouveau délire dans beaucoup de villes. C'est vachement bien. Où tu manges chinois ou japonais à volonté. Mmh. Voilà, et, oui. Et tu peux manger beaucoup. Ah, oui, il y en a un côté de chez moi. C'est bien. M'en doutais que t'allais aimer. Non, il paraît qu'ils viennent déménager maintenant qu'ils savent que t'es à côté de chez eux. Ils te demandent d'arrêter de venir. Ils ont dit, monsieur. Eh bien, justement, vous ne croyez pas si bien dire. C'est ce qui est arrivé à Landshut, en Allemagne. Le resto vient d'interdire à un client de venir. Non. Parce que, écoutez bien, le resto a déclaré qu'il mange autant que 5 personnes. Oh la vache. Et le propriétaire du restaurant a indiqué que c'est pas normal de manger autant. Il lui a dit, je préfère lui interdire de venir manger dans mon resto parce que c'est pas bon pour sa santé. Bah oui, bien sûr. Hein ? Il n'a pas le droit de l'interdire. Bah, il n'a pas le droit. Non, en théorie, il n'a pas le droit de l'interdire. Vous vous souvenez pas, il y avait un restaurant avant à Paris. Moi, quand je suis arrivé à Paris, j'ai trouvé ça génial. Ça s'appelait le Bistrot Romain. Ah oui, oui. Et bien le sûr. Bistrot Romain, il faisait le Carpaccio. Et alors là, c'était une tuerie parce que tu payais 23 francs. Voilà. Et en gros, c'était pas cher du tout. Et les mecs, ils t'amenaient ton premier Carpaccio, ton deuxième Carpaccio, et c'était Carpaccio à volonté. Sauf que les mecs, j'avais déjà remarqué le premier Carpaccio, ils disent, monsieur, nous vous servons un deuxième Carpaccio. C'est à volonté, monsieur. Alors hop, ils t'amenaient le deuxième Carpaccio. À la fin du deuxième, tu disais, vous mettez le petit frère. Hop, ils t'amenaient le troisième Carpaccio. Au quatrième, tu sentais que le mec, ça commençait à le tendre. Alors il était là, il faisait... Il n'y avait plus l'accueil. Je pense qu'au 7e ou 8e, il te le balançait du fond du restaurant. Il fait hey, le gros Carpaccio. Vas-y, Dieu, il t'ouvre la bouche, on va te balancer le bœuf dans la gueule. Tu iras le couper chez toi. Vas-y, tu feras du sport. Tu sentais que les gars. Ils arrivaient à bout. Un jour, je me suis forcé, je vous jure que c'est vrai, pour voir quand le mec allait craquer. Et alors ? Et le mec, il disait monsieur a fini ? Non. Je veux un autre. Encore. Je suis arrivé à 9 ou 10. 9. Le mec, il en pouvait plus. T'es sérieux ? Bah quoi ? Bah 9 quand même, Carpaccio. C'est fin. C'était coupé fin, c'était chirurgical. Oh, d'accord. Même le bœuf, il est encore en vie tellement c'est coupé fin. Je pense qu'ils l'ont coupé, ça a repoussé tellement ils y allaient. La peau. Non, mais vous imaginez un peu le gars, il mangeait comme 5 personnes. Je reviens sur mon histoire. C'est beaucoup quand même. Alors en plus, je vous rappelle que c'est japonais. Oui, bah oui. Vu que le riz constipe. Tu manges des sushis comme 5 personnes, je pense que t'as fini ton caca en 2025. Tu stocks. Tu rentres dans les toilettes et tu dis à ta mère à l'année prochaine. Parce que là. Là, je pense que ça doit être un bonheur. Voilà, ce que je viens de dire là ne sera pas utilisé non. En promo, mais c'est drôle. Je te confirme. Ouais, j'ai une pensée pour Stouff parce que faut que je vous explique les coulisses de l'émission. Des conneries qu'on fait dans l'émission, on s'en sert et on les découpe. Donc ça part en podcast. Des fois vous écoutez les morceaux, ça part dans les vidéos. On en a une qu'on vient de mettre qui cartonne sur mon Instagram. Et ça part, on fait des vidéos YouTube. Ça part comme ça, c'est une espèce de garde de triage. Je fais une connerie et bam bam bam bam, ça part. Et Stouff est en charge de réunir les meilleurs moments pour en faire des promos que vous entendez sur l'antenne d'énergie. Sauf qu'elles sont censées passer à midi. Ouais. 14h. Et Stouff doit les faire valider et les mecs ils écoutent comme ça, ils font. Non, celle-là non. Non, celle-là non. Non, une autre, t'en attendais une autre ? Allez. Non, celle-là non plus. Non, celle-là on non plus. On est sur le popo. Voilà. Résultat, vous entendez. T'as gagné 10 000 euros. Ah, merci. Non, il y en a plein qui sont passés. Arrête. Non, je rigole, je plaisante. Heureusement que tu plaisantes. Je plaisante. Pas. Ah, Sonia. T'es foncé. Comment ça va, ma petite Sonia ? Allô. Ça va, Sonia? Bonjour. Salut tout le monde. Salut ma belle. Bonjour Koé. Salut ma chérie. Tu vas affronter Bruno. Bruno, Sonia, Sonia, Bruno. Ça va, Bruno? Oui, ça va. Bienvenue et chez vous, nous. Ça va? Ouais, tout va bien. Ça va. On est en pleine forme. tu habites à Saint-Geneviève-des-Bois? C'est bien ça. Ouais, gros centre commercial là-bas, non? Oui, à la zone industrielle de Saint-Geneviève. Voilà, à chaque fois que j'entends des pubs, c'est toujours à Saint-Geneviève-des-Bois. Là. Tout est concentré là-bas. Sonia, tu habites où? J'habite dans le 95. Où? À Daumont. À Daumont. Ah ouais, il y a des grosses centres commerciales là-bas aussi. Ouais, doit énorme, énorme. Ouais, c'est ça, maintenant, avant tu disais c'est à côté de l'église, je connais. Maintenant tu peux dire, ouais, je connais, il y a un grand centre commercial. Les gens disent, ouais, ouais. Alors on y va. Sonia, Bruno, vous allez jouer au qu'est-ce c'est. Le principe du qu'est-ce c'est, je vous donne des indices. Le premier qui me trouve de quel objet je parle gagne quoi, Stouff? Une PS4 Pro. Une PS4 Pro. Vous êtes content? Oh. Ah là là là. Okay. Merci pour ce ah là là là. Voici. Alors, je vous demanderai de me dire tout ce qui vous passe par la tête parce que peut-être que vous aurez la bonne réponse là-dedans. D'accord? Oui, n'hésitez pas. D'accord, ok, très bien. Voici. Bonne chance à toi. Merci beaucoup. Ah oui, à moi. Ah, toi également. Attention. Même. On y va. Premier indice. Il peut faire un mètre de long s'il est tendu. Un javelot. Non. Un mètre de long, s'il est tendu. Non. Non. J'allais dire une bêtise. Allez-y. T'allais dire quoi? Un slip. Un slip? Non. Ouais. Mais ça aurait pu être ça? Oui. Non. Ouais. Un mètre de long, s'il est tendu. Une corde. Je le tripote tous les matins. Je le tripote tous les matins. C'est facile. Troisième indice. Quand je le serre fort, il peut se plier en deux. Quand je le serre fort, il peut se plier en deux. Un mètre. Je vais vous aider. Tous les matins. Plus exactement, quand je le serre fort, je suis plié en deux. Ah oui, bah oui, c'est plus logique. Bah oui. Quand je le serre fort, je suis plié en deux. Le genou? Non. Le genou qui fait un mètre. Grave, grave. T'as des genoux d'un mètre, toi, faut que je pense pas. Contre-vite. Ouais, mais uniquement quand je suis tendu. Le matin. Je vais vous aider, je vais vous donner un autre indice encore. Oui, oui, s'il te plaît. Quand Jeff le serre fort, il peut plus respirer. C'est vrai. Un mètre de long. Elle est bloquée sur le 1 mètre de long. Ah bah oui. Un mètre de long quand il le serre fort. Quand Jeff, il le serre, qu'est-ce qu'il peut serrer, lui? On aime. Je serai pas mal de trucs, les gens qui aiment pas. Je continue mes indices, j'ai une PS4 à gagner. Une meuf? Une meuf. Une meuf? Une meuf d'un mètre de long. Quand elle est tendue. T'es tendu, tu fais un mètre de long, t'as l'air tendu, toi. Détends-toi. Si t'es tendu, je te dis que t'es tendu. Ben oui, tu dis oui, Claudie, je suis tendu. Ça veut dire que je serrai une meuf d'un mètre de long. On continue. Ok. J'aime pas le salir. Ah oui. J'aime pas le salir. Ah, ouais. Moi particulièrement, j'aime pas le salir. Le pantalon, le jean, le. Ah. Un mètre. Un caleçon. D'un mètre. Ouais, j'avoue. C'est Brigade du Tigre. Un mètre de long. Je tire souvent sur le nœud. Ah. Je tire souvent sur le nœud. Les lacets. Oui. Joli. Lacets. Eh oui, mais oui les amis, un lacet. Voilà, je tire souvent sur le nœud du lacet. Comment? Matin, je tire pas mes lacets. Bah moi, je le serre fort, voilà. Je mets que des scratchs. Voilà, je le serre. Ah bah si vous mettez des chaussures à scratch, ça marche pas. Mais peut-être t'as mis des ballerines, c'est pour ça. Voilà. Je le serre fort, je suis plié en deux, je le tripote tous les matins. J'aime pas le salir parce que ça fait sale, hein. Là c'est sale. Oui. Et puis il peut faire un mètre de long s'il est tendu. Voilà, on y est. Je vous en montre. Ah. Voilà. Voilà, c'est tout. Bravo, oui. Ah bien joué. Hein. Bruno, tu repars avec ta PS4, mon ami. Gros bisous. Merci. La petite Sonia, tu repars avec toute mon amitié. On va lui donner une enceinte Bose. Une enceinte Bose? Oui. Ah, c'est trop mignon, merci beaucoup. C'est trop mignon. C'est sympa ça. Vous voulez échanger? Non, tu préfères l'enceinte blanche? Non. Ok, d'accord. Gros bisous, je vous embrasse, à bientôt. Bonne soirée. Merci, bisous. J'adore ce jeu, j'adore. Personne n'a dit. Non, non. Ils l'ont pensé, je pense. On l'a tous pensé. Ça fait un mètre de long. Sounds like their dreams to fill their days. Inside their broken hearts, they wait. The future's fire lights up the gray until the clouds all blow away. We got together. J'endosse les corses, je pense trop fort. On dit que sans masque, je vaux de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec toi vers demain. Je veux ton amour dans mes mains. Je veux vivre ici, ailleurs. Je saute dans le vide sans peur. J'avance. There's nothing stronger than us if only just begun. No matter what they all say, in fear we'll throw these chains of the fire to the sky. We'll keep the outside looking in. Je sauve des océans de roses. Je rase les murs de simples choses. Mon bras. Autour je trace ma terre brûlée, l'âme sous le feu pour faire le pas. Seuls les vrais, les frères sont là. C'est le jour du grand départ, tu verras, je suis pas venue pour te décevoir. Je sais bien, ça pourrait prendre des années pour rien. Et puis tout pourrait bien s'effondrer demain. Si j'endosse l'écorce, je pense trop fort. On dit que sans masque, je vaux de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec toi vers demain. Glisse-moi des secrets dans les mains. Je veux vivre encore ici, ailleurs. Je saute dans le vide sans peur. J'avance. Come, love, sans peur, le sol crache toutes ses couleurs, le sol tremble. Pas plus bas que tous ces gens que j'admire. Je vole pas moins haut que tous ces gens que j'admire. Je vole pas moins haut que tous ces gens que j'admire. C'est Coé sur Énergie. Le hashtag de ce soir. Et des numéros 2, TT France, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a de beau alors ce soir, monsieur Bordas? Il y a Paumé qui nous dit: j'ai toujours pensé que si on avalait un pépin, on allait avoir un arbre qui pousserait dans notre ventre. Ah oui, c'est vrai, mais non. Bah quoi? Bah ça n'a jamais marché. Jamais personne. C'est un peu le principe du hashtag en même temps. Oui, je suis d'accord. Premier degré mal. Il répond pas. Il a pris la confiance. Hein. C'est trop. Un trop. Beaucoup trop. Moi, je suis étonné depuis un mois. T'as pas encore envoyé un truc à sa tronche? J'en veux plus. Non. Non, non, t'as changé. Nouvelle radio, retour sur Énergie, Zénitude. Zen. Tu veux que je fasse pour toi? Non. Oui, mais non, il répond trop quand même. Non, je lui roulerai dessus de ma voiture. C'est parce qu'il a un fan club. Je pense que je le traînerai derrière mon pare-choc sur 3 km. Et des comptes fake. Ah oui. Tu as vu ça? Bordas a des comptes fake. Ouais, mec, tu vas trop loin. Ouais. Mais qu'il crée lui-même, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que tous les mecs connus ont des comptes fake. Lui, il crée des comptes fake et il fait vraiment gagner des iPhones. Les comptes fans et les comptes fake. Et il y a un message signalé sur compte. Demandé. Allez, on continue vite. Il y a Olivier qui nous dit: j'ai toujours pensé que dans la chambre de mes parents, il y avait un parc d'attractions parce qu'ils étaient toujours en train de crier. Oui, bon, elle est facile, on continue. Il y avait Florian qui nous dit: j'ai toujours pensé que quand on me disait ça coûte un bras, et on payait vraiment avec un bras. Pas de vanne, non, je vous vois tous venir, non, merci non, beaucoup, non, c'est bon. On continue. On l'avait. Il y a Ludigone qui nous dit: j'ai toujours pensé que si on faisait pipi dans la piscine, un liquide bleu apparaissait. Ah, alors, oui. Pose, oui, oui, oui. Alors les amis, moi j'ai fait partie des gens qui ont beaucoup cru ça. Ouais. Ouais. Et jusqu'à très très tard, quand je faisais pipi dans la piscine, j'agitais les bras en même temps parce que j'avais trop peur qu'il y ait une auréole bleue autour. Et qu'on sache que c'est toi du coup. Ah oui, donc non mais il m'est arrivé de faire pipi dans la piscine comme tout le monde. Voilà, voilà. Pareil. Pareil, la piscine municipale, tout le monde l'a fait. Ouais, oui, mais sans être dans la piscine. Moi. Toi, tu faisais du plongeoir. Du coup, pour voir si ça marche, il faisait du plongeoir. Il dit comme ça fera une. Allez, un dernier. Un dernier, il y a Hugo qui nous dit: j'ai toujours pensé que l'émission Déco, ça voulait simplement dire déco. En fait, ça veut dire D'Amido et compagnie. Ah bah moi, j'ai toujours voulu comprendre que ça voulait dire déco comme déco. Alors. D'Amido et compagnie. Déco, ça veut dire D'Amido et compagnie. C'est ça. C'est sûr. Sérieux? Ouais. Mais non. Mais c'est elle qui t'a dit, genre. Ouais, bon, on continue. C'est DL qui a tweeté pour le dire. On en a plus. Je voulais faire un gros bisou parce que vous l'avez vu dans l'actu. On passe beaucoup en revue l'actu, mais il y a la star du JT, Jean-Pierre Pernaut. Oui. Ah, qui s'est fait opérer. Qui s'est fait opérer, qui va plus être au 13h. Alors pour moi, le 13h, c'est Jean-Pierre Pernaut. Ah, oui. Le jour où il n'y a plus Jean-Pierre Pernaut au 13h. Ce n'est plus le 13h. Les petits sabotiers, la fabrique des pipes à Saint-Claude, ça n'aura plus le même goût. Hein. JP, c'est fait. Je lui fais un gros bisou. Oui. Voilà, j'espère que tout va très bien se passer, qui va bien se remettre de l'opération et qui sera de retour très vite au 13h. On espère. Voilà, sinon ça ne marchera plus, c'est pas bien. Vous avez vu le patron de la société des bains de mer qui gère tous les casinos à Monaco, tant qu'on est dans la presse? Lui, il a raconté un truc, il a dit qu'un joueur avait perdu 3 millions d'euros dans un de ses casinos en une heure. 3 millions en une heure? En une heure. Et comment? On sait pas, il a perdu, à mon avis il a misé beaucoup, mais il a surtout perdu beaucoup. Et en plus, imagine, le gars est sorti du casino, il s'est pris un PV à 35 euros. C'est pas sa journée. Ouais, 35 euros, vous vous rendez compte de la somme que ça fait? Mais vous êtes dingue. 3 millions d'euros en une heure. Le mec, il en aura Bordas, plus. Tu les gagneras pas en une vie. Réaction. Ça fait chier. Ouais, merci. Une belle réaction. Je pense que le mec a dû le dire dans cette vie, il a dû le dire aussi. Il a dû dire ça dans un instant. Nous aurons le balance ton pote. Louis, ça va mon Louis, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Oui, tout va bien. On fera le balance ton pote dans un instant. Donc le principe, c'est de balancer quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien et moi j'appelle derrière. Voilà, ton ami fait quoi? Alors mon ami qui s'appelle Anthony, lui il travaille pour une boîte donc qui fabrique des logiciels pour des hôpitaux privés en gros. Donc il met en place des logiciels, etc. Lui il gère une équipe. Ouais. Bon, c'est un peu complexe son taf, mais en gros c'est ça. Et si tu veux, lui, je sais qu'en fait voilà, il télécharge énormément des logiciels, de beaucoup de jeux vidéo. Évidemment. Des films. Voilà, c'est un passionné de jeux vidéo, donc il. Mais est-ce qu'il fait ça du bureau ou est-ce qu'il fait ça de chez lui? Alors je sais pas s'il le fait du bureau de chez lui, sûr, hein, je l'ai vu plein de fois. À mon avis, il y a meilleur débit au bureau. Dans un instant, dans un instant, je m'en occuperai, mon ami. Je l'appelle, je serai qui? Vous voulez que je sois qui? Docteur Norton. Mais non, le mec qui travaille dans l'informatique, je vais pas être Docteur Norton. Restez avec nous, Eddie De Preto est notre invité dans moins de 10 minutes, il est là, tout de suite. On ira faire la fête. Énergie et la Poste Mobile présentent Kenji en concert privé à Paris. Le 10 octobre au Casino de Paris. C'est Kenji sur Énergie. Gagnez maintenant vos places sur énergie.fr. Kenji en concert privé au Casino de Paris. Le 10 octobre avec la Poste Mobile. Un événement Énergie. Dans les sombres labyrinthes de votre centre Laser Game Evolution, vous allez peut-être accéder à la lumière des flashs. Mais avant, il faudra sortir le grand jeu pour tenter de gagner votre passe VIP Energy Music Awards. Réservez vite de partir après 17h avant le 31 octobre 2018. Laser Game, c'est nous. Règlement du jeu et réservation sur lasergame-evolution.com. Ne plus savoir où donner de la tête. Expression française qui signifie que sur la redoute, on trouve toujours ce qu'il faut pour se faire plaisir. En ce moment, des ventes flash sur vos marques préférées et jusqu'à moins 50% sur la mode et la maison. Alors fini d'hésiter. Profitez aussi de la livraison gratuite toute l'année avec La Redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. MMA, la vie en direct, interruption spéciale. Benoît. Oui, je suis avec Romain, un homme toujours en mouvement, que ce soit en auto, moto, vélo ou en bateau. Mais avec tous ces véhicules, il multiplie les risques de panne ou d'accident. Ah justement, avec MMA Mobilité Premium, en cas de panne ou d'accident, il peut même choisir l'endroit de livraison de sa voiture de remplacement. Envoyez la pub. MMA. Le service véhicule de remplacement est conditionné à la souscription de l'option renfort dépannage du contrat auto MMA 614. Conditions et coordonnées de l'assureur en agence MMA. Hé, t'as vu la nouvelle? Oui, je l'ai aperçue hier. T'en penses quoi? Elle a l'air bien, non? Oui, elle est géniale. Elle est tellement rayonnante. Et elle s'appelle comment déjà? Nimone. Et elle vient de chez Ikea. Ah! Les petits nouveaux sont là. Laissez-vous inspirer par toutes nos nouveautés pour renouveler votre intérieur à petit prix. Comme avec la lampe de table Nimone à 45 euros. À découvrir en magasin et sur Ikea.fr. Ikea! Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Avec 150 radios digitales. Énergie, it music only. Thank you.

défaite et ça jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop. J'attendais que le public suive, c'est une catastrophe. Si vous lui faites ça en public, le mec arrête la chanson, on va la refaire. C'est la fête de trop. Attention, là, je me sais quoi. Moi je l'ai fait, défaite et tiens. Ça jusqu'au fiasco, c'est la pourri. Oh là là, pourri. Effectivement, pour vous, c'est la fête de trop. Je vous confirme. Il sera notre invité dans quelques minutes, Eddy Depreto. Je l'ai vu, il est en grande forme. Très souriant, très sympathique. Et il porte une banane et personne ne s'est foutu de sa gueule. Voilà. Il la porte bien. Quand moi, j'ai une banane. J'en ai pas. Si moi, j'en avais une, on dirait Coco, c'est quoi cette banane? Il a une banane, il fait partie des gens qui portent bien la banane. Dis-moi, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Christophe, tu sais fais des tests à l'antenne, t'es, frérot. T'es branché. Ouais. On t'entend. Je sais que tu prépares ta compile perso, voilà. Mais je me disais merde. Je sais que tu télécharges illégalement tes musiques via Énergie, voilà. Mais si ça s'entend. Parce que le débit est bon. C'est posé coupé là normalement. Voilà, c'est pas ce bouton là en fait. Non mais le bouton, sur lequel tu appuies plus dessus. Merci. Je suis obligé de couper la bonne tranche sur la console aussi. Ping pong. Ah ouais. On a ça, un public, faut que ça serve pour quelque chose. S'il faut qu'il y ait des bruits. Oh ouais, je dis tout ça, ça va finir au service du personnel. Lettre recommandée, politico, tout ça, je ne sais quoi. Convocation, hop, licenciement, hop, ton pote, je ne passe plus. Oui. Ça va mon Louis? Ça va. Louis, ça nous va. Allons donc appeler ton copain qui fait du téléchargement illégal chez lui à la maison. Ouh, c'est moche le téléchargement illégal. C'est moche, je suis bien. Donc responsable du département digital du gouvernement. Eh oui. Ah oui, attention, donc à partir de maintenant, je vais être... Il est du genre grande gueule ou il va être du genre à flipper un petit peu? Bah, j'ai peur surtout qu'il crame le truc, donc faut vraiment bien le jouer. Hein, ah, je t'en remercie, je vais essayer, pardon. D'accord, je suis pas Jean-Baptiste Poquelin. J'ai vu ton one-man show et voilà, quoi. Enfin, tu veux dire qu'il faut que je fasse un effort par rapport à mon one-man, c'est ça? Pire en pire. Non, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Mec, j'ai vu ton one-man, fais pas comme ça, merci. Lui, on va appeler ton copain. Tu t'appelles comment, du coup? Mais dis, allez vite. Bernard Torrent. Merci. Non Jean-Michel Octet. Mais arrêtez vos conneries, le mec il bosse dans l'informatique. Sylvain Malware. Comment? Sylvain Malware. Malware. Allez, je serai juste un figeac, comme ça n'a aucune vanne. Et on y va, on est parti, on appelle Jean-Jacques Giga. Dans 3 minutes, Eddy Depreto est notre invité. Jean-Jacques Giga. Mais c'est vachement bien. Claude Azerty. On y va. Chut. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Vous êtes... Oui, bonsoir. Vous êtes Anthony? Non. Ah, si monsieur, j'ai votre numéro de téléphone, Anthony. Non, c'est pas Anthony, non, je pense que c'est une erreur. Ah bon? D'accord. Non, excusez-moi non. Monsieur, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir monsieur. Bonsoir monsieur. Guy Claude, tu peux venir avant que je te traîne à l'arrière de ma voiture, s'il te plaît, sur 25 km? En marche arrière? Ce soir, je traîne toute l'équipe. Ah, c'est ouf! J'accroche Bordas, je t'accroche toi. Ce soir, comme au Far West. Vite alors! Alors, faut demander à Louis, parce que c'est lui qui m'a donné le numéro. Louis! Oui! Alors! Bah quoi? Bah, je sais pas, c'est bon. C'était sa voix ou pas? Bah oui, ça avait l'air. Ça avait l'air, c'est ton pote, c'est pas le mien! Oui. Si ça se trouve, c'est parce que c'est en inconnu, il fait genre que c'est qu'il ne connaissait pas. Ah, mais oui. Appel masqué. Mais... Vous voulez pas revérifier? Mais tu confirmes que c'est sa voix? Bah oui, ça m'a semblé. Hein. Tu connais ton pote? T'es sûr? Il habite où? Il habite dans quelle ville? À Bellerive, sur Albi. À Bellerive? Oui. Allez, on verra bien. Bon. Ça part en cahouette. En cahouette. On y retourne. Ça sonne même plus. Ça sonne plus. Attention, chut. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Vous êtes Anthony? Je suis toujours pas Anthony. Non. Si monsieur, vous habitez Bellerive? Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Je sais pas où est Bellerive, mais non. Mais je pense que vous avez pas un bon numéro là. Monsieur, j'ai votre numéro. J'ai votre numéro, monsieur. Comment? Vous avez mon numéro? Oui, vous travaillez dans les logiciels. Voilà, ouais, on va dire ça. Bah ouais. Voilà, donc je suis responsable du département digital du gouvernement. Vous avez été détecté pour le téléchargement illégal numérique par les services Adopi. Hein? Vous reconnaissez les faits? Non. Monsieur. Je sais pas trop de quoi vous parlez. Monsieur, ce que je vais faire. Depuis la loi numéro 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la protection sur la création sur Internet. Monsieur, laissez-moi finir. Vous risquez 3 000 euros d'amende et une suppression de votre abonnement Internet. Est-ce que vous le savez? Bon, écoutez, Enfin, je suis sympa de vous écouter. Je ne m'appelle pas Anthony. Je ne sais pas. Je n'habite pas. Monsieur, vous travaillez dans les logiciels, monsieur. Je ne sais pas si vous, vous le prenez sur ce ton. Je suis désolé. Monsieur, mais... monsieur, c'est vous qui téléchargez. C'est pas moi, monsieur. Ouais, mais je sais pas quoi vous jouez là. C'est, monsieur, c'est bizarre. Monsieur, votre monsieur, affaire, c'est bizarre. Monsieur, écoutez, on va se parler simplement. Monsieur, monsieur, vous risquez tout. Au revoir, monsieur. Monsieur, vous ne me dites pas au revoir. Vous ne me dites pas au revoir, monsieur. Vous ne raccrochez pas. J'ai votre numéro de téléphone. Nous pouvons suivre. Mais je m'en fous, je m'en bats les trucs. Monsieur, c'est un numéro professionnel. Monsieur, enfin, c'est une puce d'un collègue. J'ai votre adresse, j'ai votre IP, monsieur. Vous avez téléchargé de mémoire des logiciels. Vous le savez, le nouveau Photoshop. Je fais que mon travail, monsieur. Eh bien, je peux vous dire que non. Vous avez téléchargé illégalement le Photoshop, monsieur, je le sais, le logiciel. Alors, on va arrêter les conneries, parce que je vais vous dire que le Photoshop, j'ai la dernière version payante. Monsieur. J'ai tout le pack. Monsieur, vous n'allez jamais sur Retrobox, monsieur. Pas d'histoire. Monsieur, je pense que c'est un... J'ai tout, monsieur. Monsieur, j'ai tout. Vous n'allez jamais sur Retrobox, monsieur. Gardez-le, vous en faites une grosse bouboule et vous la... bien dans le cul. Non, alors monsieur, allez, non. Alors monsieur, je ne fais pas de grosses bouboules dans mon travail et je ne mets rien dans les fesses. Non, ça se fait pas, monsieur. Et puis d'abord, il n'y a plus de place. Il faut qu'on continue, là. Une grosse bouboule. Vous mettez une grosse bouboule. Mais non. Ça passe pas. On y retourne une dernière fois. Et le mec, il a pris des pincettes pour dire bouboule. Mais en fait, il a la puce du mec dans son téléphone. Chut, attends. En plus, attends, il est plus vénère. Mais c'est lui ou c'est pas lui? Mais ça peut pas être lui. Mais ça se trouve, si. Et Louis, il ne reconnaît pas la voix. La bouboule. Tu croches plus. C'est encore bouboule. Dis-lui que tu viens de faire la bouboule. Je sais plus où il fait. Allô. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie Orange. De... Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Oh. Bon, Louis, c'était lui ou pas? Non, c'est pas lui. Ah ah ah ah. Mais tu peux pas le dire à mort. Mais tu peux pas le dire à mort. J'avais la bouboule, j'étais prêt à y aller. C'est maintenant que tu me dis que c'est pas lui. Mais t'as entendu, il a dit qu'on lui avait prêté la puce, donc c'est... Mais j'ai engueulé un pauvre gars pour rien. Ah, et la bouboule, j'en fais quoi? Bon, vous allez me virer ça, vous allez voir tout ça avec Guillaume dans un instant et Dino Preto sera notre invité sur Énergie. Il reste avec nous, on aura le titre en live, on va parler de la tournée de Dino Preto qui va passer à côté de chez vous. Moi, il y a des dates dans tous les sens, je vous donnerai, vous y voir. Voilà. J'ai l'image. Vous savez quoi? La bouboule. Je vais vendre ma bouboule sur le bon coin. C'est tout, attends qu'elle est faite. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna rise till we fall. When we hit the bottom. Speak. artistes aujourd'hui. Moi je l'ai fait, défait. Eddie de Préto s'installe chez Koei sur Énergie. Il est notre invité, 19h32. Tout va bien pour lui, ce garçon cartonne. Eddie de Préto, la révélation, hein, c'est vrai, je n'ai pas entendu, alors tu en as peut-être détecté un, toi. Je n'ai jamais entendu un journaliste ou une émission de télé dire du mal d'Eddie de Préto. Oui, c'est vrai. C'est vrai ou pas? On est d'accord là-dessus? Oui. À, je vais pas dire que, le contraire. Non, mais à moins que toi, t'en as entendu un qui j'en t'a... ai entendu, ouais. Ah, qui? J'en ai lu. Ah bah voilà, mais c'est important parce que moi j'ai toujours l'impression que ça fait l'unanimité. Mais heureusement. Eddie de Préto, j'ai vu un 7 à 8 très très beau d'ailleurs où il y avait une interview de toi qui était très bien. Et à chaque fois, c'est voilà, ils sont ultra fans. Ah. Alors ce que t'as, celui qui a pas aimé, il avait écrit quoi? Je crois que c'est pour régler des petits problèmes personnels, je crois. C'est-à-dire? Ah, je sais pas, c'était assez offensif. Mais pas sur la musique, bizarrement. Sur toi? Ouais, bref. Oh, ça sent le journaliste qui a pas eu d'interview. Ça. Ouais. C'est ça. Le jaloux. Non, mais le souvent, ça peut arriver, ça. Ah oui, t'as un journaliste qui a demandé une interview avant un concert, il l'a pas eu. Résultat, il te torche dans Ah, il se venge. Ah, ils aiment pas ça. Vengeance. Moi, j'en ai déjà eu, nous, une fois, parce que dans un one man où on avait pas pu faire de photos, on avait refusé des photos dans la salle pour éviter les flashs et tout. Hein, oh putain, j'en ai pris plein la gueule le lendemain. C'était fait déchirer. Que sur la photo. Ah, oui, le mec, il avait aimé le spectacle, mais monsieur, il n'a pas le temps de rencontrer les gens. Mais bon. Oh, c'est pas grave. Eddie de Préto va se balader dans toute la France. J'ai des dates. Mais tout est complet là, tout ce que j'ai en novembre. Ouais. Ah bon, bah ça sert à rien que je dise. Bah, quand même, si. Du coup, non. C'était Eddie de Préto. Non, mais l'Olympia, le 6 et le 7 novembre, c'est complet. Ouais. Ah, c'est bien. C'est ton premier? Ouais, c'est mes premiers, ouais. L'Olympia, c'est magique. C'est classe. C'est, et t'as raison, c'est le mot, c'est classe. C'est très classe, ouais. L'Olympia, c'est mythique. Bon, il va passer partout. Il va passer au Mans, en Charleroi, en Belgique, évidemment. À Nîmes, à des villes aussi que je ne connais pas. À Esche, sur Alzette. Et tu as raison d'aller dans ces villes qu'on connaît peu. Mais j'ai choisi carrément. Voilà. C'est toi qui as choisi. Je vais aller à Esche. Voilà, je vais aller à Esche sur Alzette. Et ensuite, la tournée des Zéniths. Alors là, vous allez au mois de février, le 28 à Amnéville. Ensuite, on repart en mars, Strasbourg, Lille, Bruxelles, Toulouse, Nantes, Rennes, Caen le 17 mars, Paris. Zénith de Paris le 22 mars? Ouais, c'est un Zénith de Paris? Ouais, c'est le Zénith de Paris. Complet aussi? Ouais. Faut arrêter maintenant. Hein. Faut arrêter. Je voudrais bien une date où ça rame. T'as pas une ville où ça remplit pas que j'en parle? Les autres, là, Lille, au Zénith, là. Voilà, bah oui, mais enfin ça. Je voudrais vraiment une ville où ça vend pas. T'as pas 60 places vendues sur 10 000, un truc où je pourrais filer un coup de main. Ça cartonne partout. Tout va bien. À Rouen le 23 mars, donc voilà, sur scène. Est-ce que t'es heureux sur scène? Très heureux, ouais. J'adore la scène. C'est vraiment là où je me retrouve bien. Est-ce que tu... Bah, des fois, il y a des artistes qui sont un peu plus timides, qui préfèrent le studio. Ouais, oui. Moi, c'est le contraire. Ah, voilà. Ouais. Studio t'emmerde. Le studio m'emmerde, Le nôtre aussi? C'est bien. Non, sauf le vôtre, ouais. Ça sent la politesse. La diplomatie. Oui. Non, je suis beaucoup plus saine que studio, ouais. Ça doit être chiant, le studio. Il faut que tu me répondes à cette question que tout le monde. J'allais te dire. J'ai une copine qui m'en a parlé tout à l'heure. Elle t'a vu sur scène. Elle m'a dit, je ne comprends pas. Il vient avec son téléphone, le portable. Il le pose. Il ne s'en sert plus. Ah ben non, mais je lance les titres dessus en fait. Et c'est ça. Même sur scène, tu le fais? Ouais. Je lance la musique avec mon téléphone. Ah, t'es tout seul sur scène, donc. Tout part de ton téléphone. Je suis seul avec un batteur et on est deux. En fait, il y a le côté très percutant. Et le côté très incisif, et moi je mets les titres, les prods avec mon téléphone. Mais si on t'appelle en même temps? Ben non, mais c'est un téléphone. Attends, je suis en concert, excuse-moi. Et si c'est un iPhone qui a assez peu de batterie, il va jusqu'au bout. T'as déjà eu un tour? Il est branché. Ah ouais, d'accord, imagine, genre, mais le concert est annulé, j'ai plus de batterie. Les gars, on va faire vite, il me reste 10%. J'ai plus de forfait. C'est la fête de trop. Allez, ça c'est fait. Sur la vidéo de mon kid. Okay. Non, il y a une batterie et puis c'est un spécial pour scène, la scène. Exclusif. En fait. Voilà, oui, je me doute bien qu'il n'y a pas les parents qui vont passer un coup de fil. Et Didi, c'est maman, tu rentres quand? Non, il n'y a pas de. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Non, mais c'est vrai, c'est... Ah, d'accord, tu fais ça toi-même, c'est top. Mm. Non, mais je trouve ça vachement bien. Alors, on va tous dire aussi en début d'émission, comme ça ce sera fait. J'expliquais la dernière fois que pendant l'émission, je t'écoutais en bagnole. Cette histoire, je vous jure qu'elle est vraie. Je t'écoutais en bagnole et j'écoutais le titre. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu cours. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là l'extrait. Champion, et après mon petit. Attends, va, attends, bouge pas. Historique. Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est le truc, tu seras viril, mon kid. C'est l'autre, attends, tu sais. Bah, c'est celui-là en fait. C'est celui-là. Mais c'est la fin. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage. Ah, c'est pas celui-là, c'est le truc d'après, c'est l'extrait d'après. Mais quel extrait d'après? Mais celui avec c'est quoi les paroles avec mon chien? C'est la fin de la chanson. Mets-moi, je joue avec les filles. Voilà, mais nous on n'a pas entendu. Attends, vas-y, c'est ça, c'est un peu celui-là que je cherchais. Il faut que je le fasse là. Mets-moi, je joue avec les filles. Mets-moi, je ne prône pas mon chibre. Stop. Voilà, merci, tu peux rentrer. Il a fait une inversion. J'ai fait une inversion, je te jure que c'est vrai. J'étais dans la voiture, j'ai cligné des yeux une seconde. Et j'ai cru entendre, je joue avec mon chibre. Et je suis arrivé à Énergie, j'ai vu l'équipe, j'ai dit, mais il dit ça dans la chanson. Tu l'as demandé. Non, tu l'as demandé, tu dis, mais moi la chanson, tu dis, je joue avec mon chibre. On t'a pas compris. Et là, ils m'ont dit, mais il dit pas, je joue avec mon chibre. Et bah, tu sais quoi, tu pourrais le dire, on a fait l'essai, ça passe. Mais moi, je joue avec mon chibre. Ça passe. Il a osé. Ça passe. Pendant une demi-seconde. Mais c'est pas ça hein, dans la vraie chanson. Dans un instant, on va se faire le titre en live juste après ça. Qu'est-ce qu'on écoute, Bichette? Jane. Et juste après, on aura le titre en live. On reviendra sur pas mal de choses. On aura une surprise en fin d'émission. Un cadeau avec lequel tu repartiras. Oh, génial. Oui, tu seras très content. Bienvenue sur Énergie. Voici Jane. To look down at you. Things gonna be on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be dédicace tout à l'heure. Arrête. On appelle ça la version coco. Très plaisir. Tu vas jouer à Amnéville, j'ai la date. Est-ce que c'est le Galaxy d'Amnéville? Le 28 février? Oui. Magique le Galaxy d'Amnéville. C'est 10 000 places, c'est ça? On l'a fait. On l'a fait, on chantait pas, on a fait une émission. On l'a fait à 6h du matin. Oui, 10 000 personnes à 6h du matin. Oui, mais moi je trouve ça toujours incroyable d'être un artiste, de se retrouver dans une salle si grande que le Galaxy d'Amnéville. Voilà. Le public, tu te prends un plaisir donc incroyable à chaque fois avec eux. La date la plus dingue que tu aies faite jusque-là? Solidays, Garo Rock, c'était festival là donc il y a Pau. Étonnamment. À Pau. Ouais, à Pau. Étonnamment, ça va leur faire plaisir. Étonnamment, je m'attendais à. Non mais parce que par rapport à la capacité, tu vois, il y avait énormément de gens dans une petite capacité, donc il y avait une chaleur folle et tout, donc c'était hyper bien. Il est notre invité, Eddy De Pretto. Tu as déclaré dans une interview. Alors à chaque fois qu'on donne des déclarations dans les interviews, les gens disent non. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit, mais tu aurais déclaré. J'aime ces humains qui vont de pair avec leur œuvre. Je laisse quelques secondes de réflexion. J'ai dit ça. Non, mais je sais même pas ça.

Ouais, j'aime bien les artistes qui m'en prennent. Non, on dit plutôt non, Cure. C'est parce que Cure, c'est un groupe et. C'est vrai ça, c'est vrai, t'as raison. En tout cas, il est notre invité ce soir. On est en Facebook Live, on fait un gros bisou à tous ceux qui nous regardent sur le Facebook. C'est le Facebook d'Energie, le Facebook Koé officiel. Vous y allez, vous verrez les images en temps réel avec Eddie Lepreto. Et ensuite, la petite surprise de l'émission. Ah. Le petit plus Koé. Le cadeau. Le petit cadeau que tu pourras ramener à la maison. Et qu'une fois que tu auras chez toi, tu diras toujours en le regardant, ça c'est mon coco qui me l'a offert. Je crois qu'il a peur déjà. Et tu sais pas ce que c'est? Non, c'est bon. Je t'explique tout dans un instant. T'es tendu? Elle a presque tendu. Non, ça va aller. Il faut pas. Il faut, comme dirait Patrick, le grand penseur. C'est que de l'amour. Pour l'instant, voici Eddie Lepreto en live sur Energy. Je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni les airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais, ce sont tout de même les pires à venir. Te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid. Loin de toi, ces finesses tactiques, ces femmes d'origine qui féminisent groguise. Sous prétexte d'être le messie fidèle de ce cher modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras le ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Virilité. Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton tympan se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid. Tu hisseras ta puissance masculine pour combler cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils à pierre et dopés de chair, de l'air protéine. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Virilité de bruit en live ce soir avec j'adore et en live c'est une tuerie. Je voudrais dire pendant qu'Eddie s'installe un gros bisou à la dame qui est au premier rang. Quel est votre prénom, madame? Vous n'avez pas de prénom. Ça se prononce en agitant le doigt. Elle a poussé le micro. Je suis cherché. Alors, je voudrais vous remercier, madame, parce que je me suis permis de vous filmer. Eddie Lepreto a chanté devant vous. Vous ne l'avez pas regardé une seule fois. Elle était gênée. Madame, elle regardait à l'opposé. Il est à droite, elle

Ce Caddy Tuning est à deux doigts d'être dans le salon d'Eddie Le Préto. Quel petit vénard. Il a l'air ravi, hein. Le Caddy Tuning. Et de recevoir des gens de Créteil, du Soleil, qui nous disent merveilleux cadeau. Merveilleux cadeau. Voici la dernière question. Parmi tous ces exemples, lequel est le plus sale? Sale. Réponse A, le téléphone. C'est sale un téléphone, il paraît, avec les touches. B, la lunette des toilettes. C, la barre de poussée du caddie. D, Johnny Depp. Je dirais. La réponse 2, c'est quoi? Les lunettes de toilette ou la barre de poussée du caddie, là où tous les gens mettent leurs mains. Ouais, je dirais ça, ouais. Réponse C? Ouais. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Il faut dire JP. Hein. Je rappelle que si vous avez la bonne réponse, vous repartez avec ce caddie. Magnifique caddie. Et nous remercions les gens de. Je ne sais pas où on l'a tiré. Bon. Caddie Auto de Préto. Mais la réponse C, la barre de poussée du caddie. Ouais, suspense est total. Vous voulez demander l'avis du public? Ouais, vas-y. Ils en ont rien à foutre. La réponse. Oh, le suspense. J'aime mettre un suspense. Ah ouais. C'est la barre de poussée du caddie. C'est la bonne réponse. Oh, là, il dit, qu'est-ce que je vais foutre de ce caddie? Comment je vais le ramener? En quoi qu'il est venu comme voiture? Merci. Ça nous fait plaisir. Ça va avec ta casquette. Là, il y a les mecs de la maison de disques qui disent comment on va ramener cette merde. Qu'est-ce que c'est que ça? On préfère que tu nous offres des disques d'or. Comment? C'est quand le dire? Vous avez quoi comme voiture? T'as quoi comme bagnole? T'as quoi? J'ai une Twingo. Ah bah. Les gars, vous avez quoi d'autre? Le manager, ils sont tout partis. Ça, vous êtes en ils sont quoi? Ils partent. La maison de disques. Pas de voiture. Pas de voiture. Oh, bah, voilà. Le monde du disque, c'est compliqué maintenant. Hein. Ouais, bah. Eh bien, sache que tu repars avec, on va te le faire envoyer, t'inquiète pas, oui, ça nous fait plaisir. Je vais vous demander de faire beaucoup de bruit pour celui qui était notre invité ce soir. Allez le voir en concert, Eddie Le Préto. Merci. À très vite. Ouais, à très vite. On se voit à ton concert. Et sinon, un concert de Jules. C'est ça. Ah, le prochain concert de Jules. On se croisera là-bas. Emeric, est-ce que tout le monde est en. Vous êtes prêts là-haut? Vous m'entendez? Oui, Corinne. est-ce que vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts. C'est Kermit. Nous savons Miss Alpes Provence Côte d'Azur. C'est Kermit, ouais. Vas-y, les gars, passe la soirée en Jean-Pierre. Ça va, les gars, vous êtes prêts là-haut? Ça va, et vous? Vous tout en pleine bourre! Tout va bien, je viens à vous dire que si Eddie Le Préto ne prend pas le caddie, je peux vous l'offrir. Ah, ben ça on veut bien. Parce que j'ai comme l'impression qu'il va pas beaucoup bouger de ce studio. Bah écoute, j'envoie une zig dans deux minutes, on descend. Bonne soirée, les amis. Allez, bis, les gars. Nous, on revient demain 17h. Merci, Eddie. Eddie Le Préto, bien avec nous. Demain, 3 cafés gourmands. Bisous, ciao. On revient demain sur Énergie. 3, 2, 1. Salut à tous, je m'appelle Emeric Bonnery, mon surnom c'est Rico, et vous venez d'atterrir dans le Rico Show. Jusqu'à 23h, le Rico Show. Le Rico Show, sur Énergie. Yes! Allez les amis, on est parti pour 3 heures de kiff. On est là du lundi au vendredi et le bail du jour va intéresser Koé. Je sais qu'il nous écoute en quittant le studio. Croyez-moi qu'il va adorer le bail du jour. Je vous annonce ça dans une minute. Et croyez-moi que c'est pas une blague. On se fera les news aussi et les news sont terribles. Il y a de l'hypnose, j'ai appris un truc de ouf autour de l'hypnose. On en parlera. Le canular du jour arrive avec ma Sarah. Comment elle va? En pleine bourre, comme tu dirais. Oh là là. Hein. Alors figure-toi que cet après-midi, j'ai casté une perle pour notre canular, le casting de Sarah qu'on a fait hier. Un mec qui s'appelle Azamat, il est énorme, il rêve de devenir chanteur. D'accord, et comme hier, on va lui faire faire des trucs de ouf, oh là parce là, que les direct. Gars sont capables de tout. Souvenez-vous, il y a quelques jours, on castait Jean-Marc et il a fait ça, les amis, c'est une barre de rire. Tu tapes plus fort et a cappello, le micro proche de l'assiette qui tape le couvert. On est là. Les gars sont capables de tout, bougez pas. Comment il va le tombeur? Eh ben écoute, en pleine forme. Oh là là, je le sens au démarrage. Ah, ouais. Ah je suis chaud là. T'es chaud? En plus, j'y bois 5. Hein. Ouais, pour avant quoi? Bah, tu connais. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'y bois 5, il y a quoi? La paye? Ah, voilà. Moi aussi, c'est la douloureuse. Ça va, mon JM? Ça va au top, mon Rico. En plus, aujourd'hui, j'ai reçu ma nouvelle carte de permis, tu sais. Ah, c'est beau. Tu me mets à jour, un peu plastifié, tout t'es, ça. T'es encore plus chum que sur l'ancien. Eh ouais, normal, il était horrible aussi. Il était non, mais il est bien. Il est bien, c'est maintenant, il te flash, tu prends l'amende direct. Ouais, c'est ça, je suis dead. C'est le désavantage des nouveaux permis, les amis. 0870 42 48, vous êtes hyper nombreux. Hashtag Rico Show sur énergie. Salut Mariam, Amélie, Elisabeth, Caro, Sévage, tout le monde. On parle du bail du jour. Allez, c'est parti. C'est quoi le bail du jour, mon Rico? C'est dingue. Ah, dingue. Tout le monde en parle. C'est le bail du jour sur énergie. Eh oui, le bail du jour va intéresser notre ami Koé. Au Japon, des chercheurs ont découvert un vaccin contre la calvitie. Non. Ça y est. Va avoir la chemée maintenant. Fini le crâne chauve. Fini les crânes luisants. Fini les surnoms de monsieur propre. C'est terminé. Vous, mesdames, à jamais vous mettrez votre main dans les cheveux. Ça y est, ça sort. Et ça permet la repousse rapide des cheveux. Donc, même quand c'est cuit, hein, même avant que ce soit cuit, vous pouvez avoir les cheveux qui repoussent. Ils ont mis ça au point. Ça va sortir partout. Il n'y aura peut-être bientôt plus un chauve en France ou ailleurs, ma Sarah. Purée, mais fini les moumoutes comme Sylvain, par exemple. Ouais, c'est fini. Fini les toupets, fini les perruques, vos cheveux vont repousser et plus gras que jamais, plus soyeux que jamais. Ça y est, les amis, c'est complètement. Non, mais je suis choquée. Par contre, c'est les rasoirs Bic qui vont faire la gueule. Ah ouais, là, ça va faire la gueule. Ils vont faire comment maintenant? Non, mais c'est vrai, peut-être qu'ils vont investir justement dans le vaccin. C'est une bonne idée, JM. Mais ça veut dire quoi en fait? Tu reprends le vaccin et ça sait automatiquement où ça pousse. Bam, ça repousse. Fini les tatouages dégueulasses parce que ça, c'est à la mode. Hein. Tu sais, te faire des petits points. Ouais. Surtout quand t'es tismé ou que t'es renois, tu peux faire des tatouages, etc. Ouais. Pour les cheveux. Hein, c'est vrai. Ah ouais, ah oui, c'est pour vrai, les repousses, tu les fais et ça fait comme si t'avais des vœches. Ouais, mais encore heureux, il faudrait que les cheveux poussent au bon endroit. Ouais. Imagine, ils poussent sur le nez, moi. Ah ouais, ça serait le drame. Alors, je vous avoue qu'ils l'ont testé sur 2-3 énergumènes. Il y en a qui ont eu l'Amazonie un peu partout. Je vous en parlais, Alvaro Soler. Vous déboulez 0800 70 42 48. J'ai des infos sur ce vaccin. Et puis, on parlera des vaccins qu'on a envie de créer pour se faciliter la vie. Hashtag Ricochot sur énergie sur Twitter. On vous attend, les amis. Déboulez, venez kiffer. On est bien et Sarah le canular arrive. Énorme, il est chaud, chaud, chaud, Azamat. Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela. En la televisión me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca.